Merci pour cette soirée avec vous, c'était encore super cool. On va se retrouver dès lundi soir 20h, comme tous les soirs on est là. 20h, enfin 4 jours semaine, faut t'emballer. Hein. Dis donc, Mickaël, tous les soirs on est là. Enfin, on est là quasiment tous les soirs. Et puis on est présent tous les week-ends sur les réseaux sociaux. Oui, ça, c'est une chose. On peut lui demander parce qu'on a beaucoup parlé de ça ce soir. Ça va ton anus? Oui. Mais il va très bien, oui. Bon. Non, mais on a. Non, parce que tu sais, on est à continuité, nous on est très conscients. Mais t'as raison. Non, écoute, de ce côté-là, j'ai pas de problème, j'ai jamais eu d'hémorroïdes ou ça, donc pour l'instant tout va bien. Doc, okay. Il chauffe Mickaël en ce moment. Hein. Ouais, mais il n'a aucune chance. il nous parle beaucoup de toi. C'est vrai. Bah, écoute, ouais. je suis très content. Ouais, c'est vrai que j'ai remarqué à la cantine, il est toujours inquiet quand t'es pas là. Ouais. C'est vrai. Ah, écoute, bon ben, je viendrai lundi. Forte. Je viendrai lundi, pas de problème. Okay. Bon week-end à vous. Bon week-end tout le monde. Gros bisous. Salut. Et à lundi. Yes, et puis nous on est parti là maintenant jusqu'à 2h du mat. Salut. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Et oui, ça y est, c'est déjà le dernier jour de la semaine. Oh. Mais heureusement, on reviendra dimanche de 20h à minuit. Donc je compte sur vous pour ce week-end hein, pour prévenir tous vos potes. Et puis surtout, dîner de famille également pour prévenir qu'il y a enfin quelque chose le soir à la radio. Et qu'il faut écouter Fun Radio la semaine de 20h, de 23h pardon, à 2h. Et puis le dimanche de 20h à minuit. D'ailleurs, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end, Samir, toi? Rien de prévu pour le moment, même. En général, quand on prépare, ça tombe à l'eau. C'est pas faux. Bah, ce que tu peux faire aussi, c'est déjà prévenir tout le monde d'écouter l'émission. Hein, ouais. Si t'as rien à faire, tu loues un mégaphone. Ouais, voilà, tu loues un petit mégaphone, tu fais la promo. En plus, t'es où? T'es à Perpignan, bah c'est parfait. Ouais, tu fais la promo à Perpignan, tout ça, on va être bien comme ça là. Surtout pour l'été. Bah oui, bah clairement. Bon, et sinon, t'as fait quoi aujourd'hui? Rien de spécial, hein, j'ai envie de te dire. D'accord, donc rien prévu, rien de spécial. En général, c'est comme ça qu'on passe les meilleurs moments, hein, j'ai envie de te dire. Écoute, je te le souhaite en tout cas. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien de spécial. Qu'est-ce que t'aimes manger? Rien de spécial. En ce moment, je suis abonné chez Pôle emploi, t'as vu, comme beaucoup de Français. Ouais, donc tu fais rien de spécial. C'est ça en gros, 3 500 000. Ah non, mais c'est bien, tu vois, finalement, c'est pas mal. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Bon, attends, reste avec nous deux secondes, Samir, là. Bon, pour nous rejoindre également, là, pour nous joindre sur l'antenne de Fun, eh bien, c'est super simple. Vous faites le 01 42 48 5000 et pour la Belgique, le 02 851 4x0 et vous passerez à l'antenne avec nous. Après, bien évidemment, être tombé sur Sandro au standard qui est donc en pleine forme. Elle est revenue, là. On avait l'impression qu'elle était revenue du pôle Nord. Ouais, elle avait mis 6 vestes. Non, mais c'est ça, elle avait la veste de retour de Pôle Nord. On aurait dit un esquimau. Ça caille pas, on est en hiver, il fait 15 degrés. Oh, attends, mais il fait pas froid. Bon, Tof qui est prêt encore évidemment avec toutes les insultes. Petit fils d'enculé. Voilà, il y avait celui-là aussi. Hein. Tu me diras, Samir, si tu l'aimes bien celui-là. Je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance, toi. Voilà. Elle est longue. Ah, celui-là, oui, celui-là, il était un petit peu long, effectivement, faut bien l'avouer. Bon, donc Tof qui va encore se faire insulter, on va chercher encore un sujet, mais on trouvera bien. Non, je compte sur toi. Mais okay. Oui, pendant que Polo, lui, construira un nouveau parcours de trottinette. Ouais. Puisqu'on a toujours des trottinettes à vous offrir ce soir. Dernier jour pour gagner d'ailleurs les trottinettes offertes par whiteboxshop.fr. C'est les trottinettes qui déchirent avec des têtes de mort dessus. Il y en a des bleus, il y en a des blanches, il y en a des rouges. Vous pouvez les acheter si vous voulez. Et puis on vous offre la dernière ce soir. Voilà, et comme on est dans le No Limit et on n'a pas de limite, vraiment, on est en train d'essayer de faire un projet, de faire une rampe géante. Oui, exactement. Voilà. Donc, mais comme ils ont repeint ce qu'on a cassé, là, il vaut mieux pas trop s'emballer aujourd'hui. Hein. Donc je vous dis ça, moi, c'est pour aider. Hein. Ouais. Bon, et puis on accueille également Fabio qui est avec nous là. Salut Fabio. Salut Mickaël. Comment vas-tu ma gueule? Bien et toi? Bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie toi Fabio? J'ai 13 ans seulement. Oui alors? Rassure-nous, tu vas à l'école? Tu pourrais ne pas aller à l'école? Ouais. Ah. Pourquoi pas? C'est obligatoire, non? Ouais, mais tu sais, il y a plein de trucs qui sont obligatoires. Et puis au final, hein, regarde. Bon, c'est obligatoire d'avoir une bonne gueule et regarde la tête de Tof, tu vois. Finalement, il passe partout. Non, ça, c'est pas vrai. Ah, si, ça devrait d'ailleurs. Bon, enfin bon. Enfin, surtout pour Tof. Délit de sale gueule. Voilà, c'est toujours. Voilà. Je dis ça juste au moment où Karima passe devant la fenêtre. Ce n'est pas pour toi, Karima, que je disais délit de sale gueule, bien entendu. Bon, Fabio, t'as passé une bonne journée, toi? Oui, et vous? Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, nous, tranquille, merci de demander. Ouais. T'as fait quoi? J'ai utilisé ma trottinette. Ah, t'as déjà une trottinette toi? Ouais, mais pas la vôtre. Ah bah non, je confirme, la nôtre elle est là, t'inquiète pas. Et puis elle va aller bien encore aujourd'hui. On fera encore un défi tout à l'heure en base de trottinette. Et d'ailleurs, il y a la vidéo d'hier soir qu'on a fait, le défi d'hier soir de trottinette dans les couloirs de Fall, où j'ai gagné pour la deuxième fois consécutive. Ouais, bravo. Attention, donc plus fort, Mickaël. Ouais, mais ce soir justement, je ne jouerai pas pour pas que ce soit toujours le même qui gagne. Non, c'est normal. Voilà, donc je vais laisser Toff le challenger et puis vous choisirez Sandro ou Polo pour tenter de battre Toff dans les couloirs de Fun Radio pour gagner justement vous aussi votre trottinette. Bon, alors Fabio fait péter la colle. Je rappelle que c'est le dernier casque Beats by Dre qu'on vous offre ce soir et que pour gagner il faut répondre à la colle de Fabio. Vas-y mon pote. Quel poisson n'a jamais d'anniversaire? Putain, en plus elle est longue, hein. Ouais, ouais, grave. T'étais tellement hésité dessus, j'ai cru que le truc il allait faire 3 pages. Non, non. Quel poisson n'a jamais d'anniversaire? Bon, eh ben, si vous avez la bonne réponse, il y a le casque Beats by Dre qu'on vous offrira tout à l'heure avant 12h30. Tu seras encore debout, Fab? Oui. Bon, d'accord, très bien. Bon, le casque Beats by Dre, je vais vous mettre la colle sur le Facebook de l'émission. Vous allez pouvoir même voir le casque pour lequel vous allez jouer dans quelques minutes. Vous allez pouvoir répondre à la colle sur le Facebook ou alors par SMS. Si vous n'avez pas Internet sous la main, vous pouvez envoyer votre message M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. On te récupère dans quelques minutes, Fabio. Tu restes avec nous? D'accord. Bon, il y a un truc que tu as envie d'écouter, soit un son en particulier ou pas spécialement? Oui, les Daft Punk. Les Daft Punk. D'accord. Les Punk. Les Daft Punk. Les Daft Punk. Problème. Alors, les Daft Punk sera tout à l'heure avec Instant Cruche. Ouais. C'est que voilà. Ah ouais, Instant Cruche, ce sera tout à l'heure. Donc, restez bien sur Fun. Et toi, t'as envie d'écouter un truc, Samir? Non, ça va, rien de spécial, je vous laisse faire. D'accord, ok. Bah, alors, je te propose Pharrell Williams. Allez, allons-y. Voilà, parfait. Nickel. Bah écoute, viens. Ça sent déjà l'été avant l'heure, hein. Exactement, ouais. Pharrell Williams avec Happy. Il y aura aussi Fatboy Slim. It's Sleep, Rave, Repeat. Et si vous avez envie d'écouter un son en particulier, eh bien vous faites comme tous les soirs. Hashtag MIKL sur le Twitter de l'émission. Faites péter tous vos messages. Et puis plus vous mettez de messages, plus vous aurez de chance de devenir peut-être numéro 1 ce soir du Top Twittos. Et de repartir avec soit le sextoy offert par passagedudésir.fr, soit le t-shirt comme un air de rock offert par comme un air de rock. Voilà, donc vous êtes numéro 1 ce soir et vous gagnez. Il suffit d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag MIKL. Il y a Marine sur le Twitter d'ailleurs qui dit: je veux gagner ma trottinette. Ce sera tout à l'heure vers 1h du mat. Marine, reste là. Barclay 56 qui est en direct du Québec. Je vous écoute depuis 2 mois, mais j'ai jamais demandé un message de bienvenue. Tabernacle. Alors, comment ça se fait que tu n'as jamais demandé un message de bienvenue? Ah, oh, putain, je le fais mal. Je m'en vais te fourrer le fils de pute. Ouais, j'arrive à dire Céline Dion. Ah, tu le dis bien. Céline Dion, ça va, j'ai pas de problème à dire ça. Oui, ça va te faire enculer, fils de pute. Oh, elle aurait quand même pu le dire avec l'accent canadien. Bon, Nicolas aussi. Salut les gars, vous m'avez manqué. Faut pas oublier de rappeler le mec qui l'a fait 10 fois, la mère de Toff. Oui, faut qu'on le rappelle. On avait fait ça dans les appels de Toff tout à l'heure. Hier, pardon, on va le faire tout à l'heure. Et Tom qui dit: vive la trottinette. Et Orgagasmic sur le Twitter qui dit aussi: c'est qui les meilleurs? C'est Mickaël, Sandro, Polo et Toff. Ouais. Bonsoir. Ouais. Eh ben, bonsoir à toi. Les Daft Punk, nouveauté de la semaine. Oui, exactement, Clément Bas. Et n'est-ce pas qui dit les Daft Punk? Instant Cruche, bien sûr, c'est ce qui va arriver, effectivement. Donc restez bien sur Fun Radio. Bon, est-ce que Samir, t'as des phobies, toi, ou pas? Des phobies, à part les insectes, les araignées, les serpents, les trucs comme ça, ouais, c'est tout. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Je te demande ça. Ouais, je te demande ça. Je crois qu'il y a tout le monde qui a ce point en commun, je crois. Oui, complètement. Bah, un Américain, en l'occurrence, qui avait peur des araignées et qui a trouvé la solution pour vaincre sa phobie, il s'est fait tatouer une araignée sur la joue. Ça lui a suffi, normal. Ça, bah, écoute, elle est pas petite, hein, elle prend quand même toute la joue. Bon, du coup, bah ouais, je vais vous mettre la photo sur le Facebook, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Le matin, il a compris, quoi. Voilà, complètement, ouais. Et donc, du coup, il a plus peur des araignées, mais à côté de ça, il a plus de copine non plus, puisqu'elle a dû prendre peur en le voyant, en voyant son nouveau look. Donc venez nous dire si vous avez des phobies ou si vous avez et si vous en avez eu, bah comment vous avez fait pour les perdre. Moi j'avais la phobie du. J'avais le vertige que je n'ai plus. Bon, enfin, c'est-à-dire que je l'ai plus. C'est-à-dire que si je me balade, j'en sais rien moi, sur l'Empire State Building à New York, sur le bord au centième étage, je vais l'avoir. Mais avant, par exemple, je pouvais pas monter, tu vois, je pouvais pas prendre, pas monter plus de 3-4 échelons sur une échelle, j'étais en panique totale. Et depuis, j'ai fait un saut à l'élastique, et puis du saut en parachute, et depuis, Ça va quand même, t'as été fort. Hein. Ouais, franchement, ça s'est plutôt bien passé. C'est ça, il faut avoir le courage d'y aller, quoi, de foncer à battre sa peur, quoi. Bah, il faut se faire peur, exactement, il faut se donner un petit coup de fouet. Et Toff, lui, il a peur du vide, mais il a toujours. Hein. Ouais, mais j'arrive pas à la perdre. Hein, ouais. Parce que même quand on est allé pour sauter tous ensemble en parachute, ouais. Je suis arrivé devant. Alors en plus, t'avais les mecs qui sautaient, les premiers parachutistes. Non, qui étaient des pros. Pour expliquer le truc, hein, Polo, on est témoin. On avait offert à Toff un saut en parachute, ouais, avec nous. on monte tous dans l'avion. Non, enfin, il y avait deux avions. Oh là là hein. Là on là monte là dans l'avion. Nous, on était en premier avec Polo. On descend, on saute, tout le bordel. On j'étais arrive un en des bas. Dernier, moi. Ouais, on arrive en bas et puis. Et tu sais, on voit les parachutistes, on se dit, ah, Toff, il doit être là, il doit être là, regarde, il a une couleur ça de merde. Tough, ça c'est Toff, ça c'est Toff. Et puis ils arrivent tous et pas de Toff quoi. Ouais. Et il arrive du hangar, il était revenu avec l'avion. Ouais, moi j'ai vu les pros en fait sauter. Ouais. Et tu sais, je les ai vus ça, parce que du coup, avec l'attraction, les mecs ils tombent super vite. Enfin, bah, ils tombent pas vite. Non, c'est les pros juste étaient en dernier avec les wingsuit, ils étaient en dernier. Hein, ouais. Puisque nous on passait les trucs et eux ils remontaient en plus. Ouais, mais bon, après. En fait, ils remontaient pas. C'est-à-dire que quand t'as la sensation que quand le mec il tire son parachute, il remonte. En fait, non, c'est toi qui descends. Oui. Donc voilà, mais enfin, de toute façon, on s'en fout. En plus, on voit ça, non ? Oui, ouais, mais voilà, mais c'est ça. Ouais, t'as l'impression. Mais en fait, non, c'est. Ouais, mais c'est comme quand t'as une voiture, t'as deux voitures qui vont à 200 km/h. Il y en a une qui freine, bah elle fait pas marche arrière, c'est toi qui avances. Tu roules jamais à 200 km/h. Non, mais c'est un exemple, tu peux le faire à sens, pareil. Et mais... t'as pas du tout le vertige en fait. Et t'as pas le vertige, t'as pas la sensation ni rien. Donc, voilà, moi j'ai regardé en bas, j'ai vu le vide et j'ai fait ah non, c'est pas possible. Oh là là. Non, mais c'est des bâtards parce que moi il y en a un, il me regarde, il me dit avec un mauvais accent français, il me fait tu ne vas pas mourir aujourd'hui. C'est ça. Moi je flippe et il me fait un signe de croix. J'ai un bâtard. Et là il y a le Rasta. Tu sais, il y avait le Rasta. Il y avait un Rasta, Il saute comme ça parce qu'il filmait. Il saute comme ça dans le vide. En arrière, Et là, moi, je voulais partir aussi, mais je me dis, bon, mec, t'es un mec ou pas? Je sautais. Évidemment, Toff, il a pas sauté parce que t'es un cœur, c'est pour ça. En plus, le mec, il me disait, ouais, mais putain, t'es le premier, on m'a jamais fait ça. Je serai le premier. Ah, enfoiré, va. Bon, bah, dites-nous si vous avez déjà eu des phobies ou si vous en avez encore des phobies, là, dites-nous tout ça. On va essayer de trouver aussi des noms qui correspondent à vos phobies. Hein. Je sais que c'est des trucs parfois improbables. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Samir, on va parler de quoi avec toi juste après Pharrell Williams? Ben en fait je voulais parler de. Je suis célibataire en fait depuis plus de 10 ans. Ah t'es jamais sorti avec une meuf en gros? Si je suis sorti en mode j'avais 15-16 ans en fait, je suis sorti avec une meuf pendant un an et demi et en fait elle m'a trompé avec un pote à moi et en fait ça m'a bloqué. Ah d'accord, ok. Ça veut bon. Dire j'ai perdu confiance, ça veut d'accord. dire je crois plus en fait. J'ai bon pas, bah Samir. Je suis pas le seul dans ces cas-là. Bah non c'est clair, t'inquiète. Bon 10 ans après je sais pas, mais bon Samir, t'as un blocage, pas grave, on va essayer de voir ça. Ça va être long là. Ouais bah tu m'étonnes, bah surtout là tu dois avoir un brave putain de musclé hein. Ouais, il rigole mais là, c'est celui qui rit. Ça c'est humain, non mais c'est vrai. Ah ouais, mais t'inquiète. Non mais ça c'est. Après il y en a certains qui vont pas le reconnaître parce que voilà. Non mais tout le monde se branle, attends mais c'est bon évidemment. Bon Samy, restez avec nous. Si vous avez envie de participer à l'émission, vous connaissez le principe. Et si vous voulez aussi faire le canular tout à l'heure après minuit là, canular du jeudi, n'hésitez pas à nous appeler aussi 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et puis vous pouvez envoyer vos SMS également. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites de 23h à 2h sur Fun Radio. Voilà, vous envoyez votre texto là maintenant par SMS et puis on va s'écouter le son de Pharrell Williams au cœur d'une heure sans pub. Et le son de Pharrell Williams à l'instant c'était Happy. Pharrell Williams, week-end spécial Pharrell Williams hein, ce week-end sur Fun Radio. Mickaël, nos limites, 23h, 2h sur Fun Radio. Bon évidemment toujours en direct, ça tombe sous le sens. Il y a Priscilla puisqu'on est en train de parler des phobies là. L'araignée, moi je suis tétanisé, il y a encore Priscilla aussi. Ah non c'était le même. Lorraine qui dit comment être happy, écoutez Mickaël tous les soirs. Merci Lorraine, gros bisous. Il y a Abou qui dit pété de rire, moi mes phobies des poignées de porte. Non, les phobies de poignées de porte, c'est un truc de ouf. Comment tu fais? T'es obligé d'avoir tous des trucs électroniques qui t'ouvrent la porte quand tu rentres? Bah je sais pas du coup, alors pas de porte. Il y a Tom qui dit moi ma phobie c'est le noir et l'océan et un peu les araignées. Clément Bas qui dit moi c'est la phobie de Toff. Oui bah tu m'étonnes, ça y en a beaucoup hein. Manu qui dit salut l'équipe et bonne soirée. Attends c'est quoi? Une bonne soirée s'annonce. Voilà ma phobie les abeilles et les guêpes. Je chie dans mon froc à chaque fois. Et Jessie, bonjour à toute l'équipe. Je vous écoute tous les soirs, ça fait 4 mois je vous écoute. Et moi ce soir est-ce que vous pouvez me passer Asie King également. Je sais pas si on l'a celui-là le King. Je vais vérifier Jessie. Si on l'a promis je te le mets sans problème. Et je voulais remercier Joey également et sa copine là Emma qui m'a envoyé une photo qui déchire. J'ai mis sur le Facebook vers bon, il y a une heure à peu près. Les nouvelles toilettes qui déchirent sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaël officiel. C'est des toilettes sponsorisées par VLC. C'est le petit programme qui permet de regarder des films sur ton ordinateur là. C'est les chiottes du futur. Donc allez voir, hein, likez, partagez avec vos potes pour voir les nouvelles toilettes qui déchirent. C'est sur le Facebook de l'émission, n'hésitez pas à aller voir. Fatima qui dit aussi ma phobie, les cafards et les insectes nocturnes. Et la friterie à la bâche. Alors le roi bien sûr qui dit moi j'ai la phobie de mes frites, j'ai peur qu'ils m'attaquent. Ah oui là il y a un problème, il va falloir fermer un moment alors. Il y a Toff lèche-moi également. sur le Twitter qui dit allez, plaisir. Go, la soirée va enfin débuter avec la belle Mickaël et ses princes presque charmants, Toff et Polo. Et Fritri Alba qui dit salut, vous venez à Charleroi, c'est à quelques kilomètres de Lyon. Oui, bah quelques kilomètres dans l'absolu, c'est vrai, mais en même temps on n'est pas à Lyon non plus. Mais Toff passera peut-être ce week-end. Mais écoute, je vais passer, j'irai chercher des trucs, on les réchauffera ici. Ah, ça va être bon, tiens. Bah oui. Non, bah des frites cuites. Non, mais je prends pas des frites, ici. Je prends pas des frites, mais je suis sûr il a des. Un cervelas pour Polo. Voilà. Un cervelas, une fricandelle. Et moi, je lui dis dorum. Dorum poulet. Ouais, mais dorum, on peut pas le réchauffer. Ouais, mais tu prends. Non, mais après, t'as qu'à le faire. Tu le réchauffes, tu vois, s'il y a pas. Si, tu peux le réchauffer, il suffit de pas mettre de sauce. Ah ouais, d'accord. Voilà, et puis après, je dirais mettre les sauces à part. Ou qui donne tout le matos si on fait les dorums là. Ok. Voilà. Alors dorum, pour ceux qui savent pas, parce que c'est vrai qu'il y en a qui savent pas ce que c'est. C'est une galette. C'est une galette, une grande galette qui fait la taille de une grande crêpe quoi. Hein, C'est, et donc on met viande, sauce, salade, tomate, frites, on enroule le tout, ça fait une espèce de tube et on bouffe ça comme ça. Voilà. Chez les Turcs, il y a des galettes comme ça aussi. Ouais, c'est possible. Mais ça vient de, c'est les Turcs. Ouais. Bah c'est, oui, ça vient de Turc, effectivement. Bon, 23h19 sur Fun Radio, toujours au cœur d'une heure sans pub, avec le retour de notre ami Samir qui est célibataire depuis 10 ans. Mais comment ça se fait célibataire depuis 10 ans? Je veux bien que tu te sois fait niquer ta copine par ton meilleur ami, mais de là avoir un blocage pendant 10 ans, c'est un truc de ouf, Samir, quand même. En fait, j'ai travaillé pendant 5 ans, donc voilà, j'étais vraiment à fond dans mon taf. Non, mais d'accord, mais même moi, j'ai bossé aussi, j'ai aussi été à fond dans mes tafs, c'est pas une raison. Après la timidité aussi, ça veut dire que je suis un peu timide. Mais t'es pas timide, t'arrêtes pas de parler, Samir. Ouais, non, mais là, c'est facile. Quand je parle avec des mecs, je peux parler facilement avec une fille. C'est pas Je peux te présenter une meuf, moi. Attends, regarde. Je suis intimidé, en fait. Attends, je te présente une meuf, là, d'une seconde. Elle s'appelle Gabriella. Ouais. Allô? Oui, allô? Bonjour. C'est Gabriella. Ouais. Je suis chaude comme la braise. Ah ouais, mais ton entrejambe aussi, non? Ah, il est surtout poilu comme la braise. Il est surtout poilu, Gabriella. Énorme. Complètement, ouais. On m'appelle Laurent Houtan. C'est ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, justement, de rester célibataire longtemps? Le record, combien, Toff, de célibat? Mais de vrai célibat De vrai célibat de relation de couple ou de j'ai pas baisé? Non, de j'ai pas baisé. 2 mois, je crois que c'est le plus long. 2 mois, Polo? Bah c'est compliqué parce que moi j'ai pas la même vision du truc que vous, quoi. Non, mais t'es pas sorti avec une meuf, point. Ah, mais quand j'étais jeune, je sortais pas avec des meufs pendant 3-4 ans. 3-4 ans? Bah oui, quand t'es ado. Aurore, qui est avec mais nous, non, là. Moi, c'est le contraire. Ouais, toi c'est le contraire, oui. Ouais. Aurore du Loir-et-Cher dans le 41. Salut Aurore, comment ça va ma belle? Salut Mickaël. Ça va bien? Ça va, et toi? Très bien. Ouais, alors, c'est quoi toi le record que t'es pas sorti avec un mec? Record de célibat? 6 mois. Ah oui, d'accord, ok. 6 mois, ok. Le record de France. Ouais, non, pas encore. Lorenzo également. Il n'y a pas dans le Guinness, là. Attends. Il y a Lorenzo également de Toulouse. Samir! Oui. Hey, normalement, il y a un bouton sur ton téléphone, mais le son un peu plus fort parce que je pense que tu nous entends pas en fait. Il est timide, mais il parle tout le temps. C'est ça. Et blablabla. C'est rien, Samir. Lorenzo, bonsoir Lorenzo. Salut. Ça va bien? Ça va, moi. Bah, très bien, ouais. Bon, alors toi, t'es combien de temps le maximum sans sortir avec une meuf? Je sais pas, en gros, c'est un mois. Un mois, d'accord. Et Stéphanie également qui est avec nous là du Val d'Oise. Salut Steph. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Bah oui, combien de temps toi le record sans sortir avec un mec? Un an et demi. Un an et demi, pas mal. Alors moi j'ai fait 3 ans et demi, je crois. Ah ouais, quand même. Ouais, 3 ans et demi. Bah, mais tu sais ce que c'est. De quoi? Tu sais ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est, oui, bah bien sûr. Mais voilà, 3 ans et demi. Le bras musclé un peu. J'attendais de trouver, j'attendais, et puis voilà. Il y a Adam aussi, ça fait 4 ans que je suis célibataire, moi j'ai la phobie des pieds. Ah, j'ai pas la phobie des pieds, mais je déteste ça. Il y a Dilek également qui envoie son message. Ma plus grande phobie, c'est la phobie des pigeons. Et alors, DJ Asporama qui dit ma phobie sont les harcèlements de ma femme par message. Tu m'étonnes, ça je peux comprendre aussi que parfois ça fout un peu les boules. Et Dédé qui dit mon record de célibat c'est 21 ans. Je défie quelqu'un de faire mieux. Oh, il y en a des dés, hein. Il y en a. Sarah ne pas le rejoindre. Ouais, ça va peut-être venir. Hein. Sarah qui dit aussi ma phobie, les araignées, c'est moche avec plein de poils, Burke. Rien que d'en parler, ça me donne des frissons. Alors, heureusement que t'étais pas dans les studios là avant Noël, quand on avait une migale, quand c'était la journée des auditeurs sur Fun. Oh là là. Ouais, mais 21 ans, il était en prison, quoi. Bah non, pas forcément, mais il a jamais. Non, mais ça, il est juste puceau, en fait, tout simplement. Ouais. Ah ouais, non, mais 21 ans, c'est. Ouais. Bah ouais, oui, mais moi, c'est encore moi, c'est que je me réconforte comme ça. Je me dis, j'ai la chance quand même d'avoir connu ça, quoi. Ouais t'as déjà connu, ouais. Parce que moi, j'ai mis longtemps à démarrer, mais une fois que j'ai démarré, j'y suis allé bien. Ouais, mais qu'avec du. Enfin, Ouais, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. J'ai pris les moyens du bord, quoi. Avec la facture. Ouais, bah avec la facture aussi, ouais, c'est vrai. Bon, Samy, reste avec nous. On va demander l'avis des autres. Aurore qui nous appelle également. Et qu'est-ce qui t'arrive, toi? Bah moi en fait mon ex-copain m'a quitté sans aucune raison, ça fait un mois maintenant aujourd'hui. Non mais attends, sans aucune raison, il y en a une, c'est juste qu'il te l'a pas donné. Ah non, mais il est parti comme ça, il m'a dit qu'il voulait prendre du recul et qu'il allait peut-être revenir s'il comment avait. Comment veux-tu enfin, ah non. Attends mais attends. Et voilà, il est jamais revenu, il m'a dégagé de Facebook, il a bloqué mes. Ah non, mais si t'as dégagé de Facebook, c'est un signe. Hein. Ouais, ça. Non, mais ben voilà, il m'a dégagé sans aucune raison, je voulais savoir pourquoi. Ben voilà, il m'a rien dit du tout et il m'a même pas dit qu'il me quittait quoi. Rien du tout. C'est marrant c'est ça. C'est bizarre ça. Et vous étiez ensemble depuis combien de temps? Ça faisait que 2 mois qu'on était ensemble. Ouais, oh, mais c'est pas grave, combien mesures-tu? Comment? Combien tu mesures, Aurore? 1m63. Combien pèses-tu, Aurore? 50 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90B. D comme Denise? Comment? D comme Denise? Oui. Ah oui. B, oui. Ah non, B comme bien. B. Ah donc A, B. D, oui, A, B. B. Parce que chaque fois qu'elle dit B, je comprends D, moi. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as des visions de grandeur, Mickaël. Mais non, c'est pas ça, mais bon, bref. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Comment? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 34. Oh là là. Oh merde. Ah bah il arrive, parti. Voilà, il arrive directement avec le scooter, bien entendu. Bien sûr. Oui, Aurore, effectivement, il y a un problème dans l'énoncé, hein. Ouais, moi je comprends pas. Bah c'est bizarre, le mec il se barre comme ça, c'est chelou quand même. Ah moi je sais. En même temps voilà, il est militaire. Enfin il est militaire. Ah bah voilà, il est parti en mission. Ah non, il part que dans 2 semaines maintenant, normalement, ou 2 ou 3 semaines, enfin bientôt. Tu parles trop. Voilà, Eh mais on va vous présenter avec Samir là, vous arrêtez pas de parler là, ça va vous faire la soirée, c'est clair. Bon attends. Ouais vas-y. Dis-moi chaton, tu lui as pas dit que tu voulais l'épouser vite, te marier avec lui, avoir des enfants? Ah non, bah non. Non, je crois que ça, mais... quand même, hein. Non, mais des fois que ça lui ait fait peur, tu vois, c'est possible. Hein. Non, c'était juste un militaire. Il voulait juste le démonter et puis s'en aller, c'est ce qu'il a fait. Ça, c'est possible aussi. Bah, elle me dit quand même des choses, il me dit des choses quand oui, même. Oui, mais tu sais, Tof te dit plein de trucs aussi, et pourtant c'est un connard. Hein, c'est ce que j'allais dire, moi je dis plein de choses aux meufs, c'est pas pour ça que le lendemain j'en ai plus rien à foutre. Attends, est-ce qu'il t'a viré? Vous avez couché ensemble? Bah oui. Combien de fois? En 2 mois, je sais pas, mais plusieurs fois. D'accord. Et il t'a viré, ouais, donc je voulais savoir si t'avais viré après avoir couché avec toi, mais si vous avez couché ensemble plusieurs fois, c'est peut-être pas la raison. Il devait venir à la maison et en fait, il m'a dit, le soir même avant qu'il vienne à la maison, il m'a dit, bah écoute, je viens pas, je vais profiter de ma mère et tout ça. Et donc, du coup, il est pas venu. Et moi, je comprenais pas pourquoi, alors que c'était prévu depuis longtemps. Et puis, après, c'est là que tout a commencé et il a voulu prendre son recul et puis il est parti comme ça, quoi, sans rien me dire. Il a voulu prendre son recul. Bon, oui, Aurore, reste avec nous, oui. On va en parler, on va récupérer Samir également. Je pense qu'on peut faire un petit mix comme ça des deux en même temps. On va prendre Raphaël, Lorenzo et Stéphanie également pour parler des phobies. Et alors, eh ben oui, j'ai envie de dire bravo la France. Et oui, la France qui arrive numéro 1 de l'infidélité dans le monde. Bravo. Et oui, et les plus infidèles évidemment sont à Paris. Oh, qui est encore plus fier. Ouais, la France numéro 1 avec 55% d'infidèles, les bâtards. Devant la Belgique avec 51% qui arrive seconde donc. Et l'Allemagne avec 46% d'infidèles. Donc comme on s'en doutait, ce sont principalement les hommes qui trompent, mais il y a quand même un tiers des femmes qui avouent avoir trompé. Et on sait qui est le plus fidèle? C'est-à-dire? Ah, le pays le plus fidèle? Ah non, j'ai pas cette info. On n'a pas cette information. Ah, non, je n'ai pas cette info malheureusement. Bon, donc du coup, voilà, du coup, on va appeler des gens pour voir s'ils sont fidèles, s'ils ont déjà trompé leur copain ou leur copine. Bah évidemment. Donc, évidemment, nous allons chercher les 54%. Voilà, je voulais également. Je voulais vous poser la question, mais je me suis rendu compte que ça servait à rien. Vous voulez savoir si vous aviez déjà trompé, mais je pense que tout le monde va dire jamais. Non, mais pas du. Ouais, alors là, le truc. Jamais. Ouais. Vous voyez pourquoi trompé, je n'ai jamais fait ça. Voilà pourquoi je ne pose pas la question. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on revient avec vous toutes et vous tous en direct après le son de Fatboy Slim. There is this DJ who's like kicking off. Le son de Fatboy Slim à l'instant sur Fun Radio. C'était Hit, Sleep, Rave, Repeat. Bienvenue tout le monde, si vous débarquez, c'est Mickaël Nolimit. On est là jusqu'à 2h. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag M-I-K-L sur Twitter. Mickaël Nolimit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est déjà le mot-clé le plus tweeté en France à 23h20. C'est beau. Enfin, là, il est 30 maintenant, mais depuis tout à l'heure. Donc, hashtag Mickaël, bah, continuez. Hein, tout le monde, dites-nous d'ailleurs vos phobies. Là, quelles sont les phobies que vous avez? Et si vous avez eu des phobies, vous les avez peut-être plus aujourd'hui, je sais pas, vous avez peut-être réussi à les éradiquer. Bah, comment est-ce que vous avez fait? Ma phobie, c'est les poils autour des mamelons, des meufs. Quelle horreur. C'est Terence. Ah, mais ça, c'est une horreur. Hein, t'imagines, ta meuf, elle a des poils autour des nibards, là. L'horreur. Adam qui dit, vous passerez à Dijon un jour? Bah oui, bien sûr, il n'y a pas de raison. 14, non? À Dijon, non, ouais. Je suis qu'on est foutu. Oui, on passe. Oui, non, mais on passe. Oui, on va passer, oui. Donc, alors, je rappelle, je l'ai mis l'agenda également sur le Facebook de l'émission. On sera le 7 mars. Alors, attention, parce que ça va être rock'n'roll, hein. Je vous le dis, moi. Ah bon, on est parti, là. On est sur la route, là. On va faire le marathon du mois, là. Donc, le 7 mars, on sera au Whiz Club. C'est à Neulémine, tout près de Lens, Lille, comme ça, vous voyez à peu près. Il y aura plein de cadeaux à côté de Béthune. Il y aura plein de cadeaux, notamment un iPad mini à gagner. Donc, venez nombreux. C'est pas ce vendredi. C'est vendredi d'après, donc dans une semaine, en fait, hein. 8 jours. Le samedi, donc le jour après, le 8 mars, on sera au Havre, on sera au Caliente avec toute l'équipe. Vous aussi, j'espère que vous allez venir nombreux. On va se faire 2-3 conneries avec vous. Là, on ira manger, on ira faire des conneries. Hein. On va aller au quick. Avec tout le monde. Non, j'en sais rien, on verra bien. Mais pourquoi pas, ça peut être un bon plan. Et puis, on va également venir le 14 et le 15 mars. Là, on passe un petit week-end au ski à Orcières-Merlette. C'est à 1850. C'est tout près de. Bah, c'est dans les Alpes du Sud, pas loin de Grenoble. Si vous voyez la route Napoléon, bah, c'est là. Tout près de Gap, exactement. Et donc le dimanche, on va venir faire l'émission en direct de chez vous. D'ailleurs, on cherche encore un endroit où s'arrêter le dimanche soir pour faire l'émission. Il y en a pas mal qui sont inscrits. Là, on est en train de voir entre Chambéry, Saint-Étienne et... Attends, il y avait quoi? Chambéry, Saint-Etienne et Grenoble qui voulaient qu'on passe notamment chez une auditrice de 20 ans qui a son appartement, enfin qui a pas son appartement, qui est chez les parents. Et là, j'ai dit, mais t'es sûr que tes parents ils sont d'accord? Elle m'a dit, ouais, mais ils veulent pas être là. Oh, on va rien casser, vous inquiétez pas. On a été il y a un mois chez Olivier à Noyon, là, à part une assiette, dont deux. Alors, par deux assiettes cassées, le reste était quand même relativement nickel. Donc, si vous voulez nous accueillir chez vous, n'hésitez pas. Si vous êtes dans le coin de d'Orcières, hein, bien entendu, puisqu'on sera dans le coin, justement, nous aussi. Donc, vers Grenoble, Gap, Chambéry, Saint-Étienne, Lyon même, éventuellement. Eh ben, n'hésitez pas. Valence aussi, d'ailleurs. mikl@funradio.fr pour vous inscrire. C'est merci d'avance. Avec ce road trip, je vais faire un long métrage. Mon premier long métrage. Je vais filmer tout ça. Oh, ça va être beau. Le premier film de Polo. Ouais, Lorraine qui dit, moi, j'ai la peur des vaches et des insectes. Morgane également, Mickaël, j'attends mon message de bienvenue. Bah tiens. Petit fils d'enculé. Voilà, Morgane. Voilà, et Nicolas qui dit, moi j'ai la phobie de la tête de Toff. Tu m'étonnes, ça peut faire peur. Avant de récupérer Samir, Raphaël, Lorenzo, Stéphanie également et Aurore, on va donc faire les premiers appels puisqu'on s'est rendu compte que la France est numéro 1. Et oui, numéro 1 dans l'infidélité dans le monde. Hein. Et ça, c'est beau. Exactement, le pays le plus infidèle du monde, où il y a le plus d'infidèles, plutôt 55% des gens, ce qui est quand même fierté. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Tu pars d'une fierté, effectivement. Ouais. Bon, donc du coup, on appelle des gens afin de vérifier si oui ou non ils sont fidèles. Mais oui, allons-y. Voilà, je rappelle que vous pouvez envoyer des numéros de téléphone hein, pour qu'on puisse appeler des gens en direct, bien entendu. Sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Et on appellera également notre ami qu'on a eu hier également. Oui. Qui t'avait invité à le rappeler. Bah oui, il m'a demandé si gentiment. Voilà, et pour le faire chier, on l'appellera plutôt vers minuit et demi. Ah bah normal. Voilà, c'est normal. Il l'a mérité. Exactement. Donc on y va, c'est parti. On fait le premier maintenant, 23h35. Et on récupère tout le monde juste après. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà trompé votre mari. Bon, non, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? C'est pas des histoires, madame, c'est une question. Bon, elle n'a pas l'air d'être plus ouverte que ça là, au dialogue, hein, c'est pas grave. Non, c'était un peu court. Complètement, on va la rappeler. Attends, c'est parti, on y va. Allez, hop. Oui, excusez-moi madame, on a été coupé. C'est qui toi? Moi je m'appelle Toff madame. Oh, si j'ai trompé mon mari, tout ça. Allô? Qu'est-ce que tu veux? Ben je voulais savoir si vous aviez déjà trompé votre femme monsieur. Espèce d'enfoiré, espèce de tordu. Mais pourquoi vous dites ça monsieur? Mais t'es un pauvre con, elle est minope. Mais pas du tout monsieur, je veux juste savoir si... Allô? Allez, si, il va te raccrocher. Bon, on le rappelle encore une fois, allez hop. C'est parti. Il y aura le canular aussi tout à l'heure, hein, vers minuit. Canular du jeudi. Allô, oui. Oui, excusez-moi, monsieur, mais je comprends pas pourquoi vous le prenez comme ça. Mais t'es une espèce de... Tu n'es qu'un enfoiré. Mais pas du tout, monsieur, moi je vous appelle juste pour savoir. Il paraît que la France est le premier pays du monde où on trompe sa femme. Oui, bah c'est peut-être pour ça, mais c'est peut-être pas le mien. Bah je sais pas, je vous pose la question, monsieur. Mais oui, mais tu n'es qu'un pauvre con. Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit, monsieur, mais ça répond pas à ma question. Mais oui, mais viens te présenter au moins un peu, puis tu verras. Bah je m'appelle Toff, monsieur. Espèce de connard. Non, mais ça, vous me l'avez déjà dit, monsieur. Ah, et belle à nous voir accrocher. Bon, on en saura pas plus, hein. Connard. Juste le espèce de connard. Bon, bah, tant pis. Trop d'amitié. Oui, oui, trop d'amitié tue l'amitié. Il y a un message aussi. Moi, ma phobie, c'est Toff. Je ne dors plus depuis 6 mois. Enzo qui dit, moi, j'ai la phobie des papillons. Aurélien, j'écoute Fun Radio et Mickaël depuis hier. Et c'est plus qu'une radio, c'est une thérapie. Oh, bah, merci Aurélien. C'est gentil. Et puis, sois le bienvenu. N'oublie pas également de prévenir tous tes amis qu'on est là tous les soirs également. Du lundi au jeudi de 23h à 2h. Et tous les dimanches de 20h à minuit. Avec un iPhone 5S à gagner dimanche soir. Oh. Dans la colle. Ah bah oui, attention. Oh, c'est bien. Gold Edition. Ah oui, on se fout pas de votre gueule. Il y aura Julien également. Julien qui a envoyé un message sur le Facebook. Moi, ma phobie, c'est Toff. Je ne dors plus depuis 6 mois également. Décidément, un gros coup de pelle pour lui. Bah, avec plaisir. Hop. Voilà. Et Antoine, phobie des pigeons. Ça, c'est. Je comprends pas comment on peut avoir peur des pigeons. Après, c'est une phobie, ça s'explique pas, je sais, mais. Parce que je pense que ça vient du film d'Hitchcock, Les Oiseaux. Ouais, tu ouais. Sais, ils se font attaquer parce qu'un pigeon, tu lui mets une patate, il s'en va, quoi. Bah, enfin, t'es même pas obligé de mettre une patate, pas violent, non, mais en fait, voilà, tu lui dis. Mais, ouais, voilà, il se barre. C'est comme Toff, quand il arrive dans le bureau, il lui fait comme un pigeon, il s'en voilà, va. Il s'en va, exactement. Il coule. Il me jette du pain dehors et puis sort du bureau. Exactement, oui. Directement dehors du bureau, c'est très pratique. Andreas qui dit, moi ça fait 4 ans que je suis célibataire. Bon, on va en parler, mais on va d'abord venir sur les phobies là, avec Raphaël qui est avec nous de Paris là. Salut Raphaël. Ah ouais, salut Mickaël. Comment vas-tu? Bon, ça va très bien. Bon, bah bienvenue à toi Raph. Alors, comment ça se passe toi, c'est quoi ta phobie? Moi ma phobie c'est qu'on me touche les cheveux. Qu'on te touche les cheveux. Ouais. Alors Toff s'engage à trouver le nom de chaque phobie hein, quand ça passe à l'antenne. Oui, alors toucher les cheveux ça va être compliqué mais. Voilà, donc tu sais comment ça s'appelle cette phobie? Non je sais pas. Ah bah on va essayer de trouver en direct. Et plus vite. Mais c'est bizarre parce que tu mets du gel. Ah non pas du tout non. Non en fait j'ai la phobie que... J'ai la phobie du toucher, ça passe? Vas-y c'est quoi? Attends faut que je trouve. Bah tu viens de me dire je l'ai. Oui non mais je l'ai mais je viens de cliquer parce que j'ai vu attends, faut. D'accord, bon bah vas-y. Mais ça remonte à quand cette phobie, c'est bizarre. Bah en fait ça fait à peu près 3 ans. Ouais. Et la seule explication qu'il y aurait, mais c'est pas sûr que ce soit la bonne, c'est que il y a 3 ans en fait dans un bus, j'avais eu un problème avec le chauffeur du bus qui m'avait engueulé parce que je m'étais mis debout sur le siège et tout, et il m'avait tiré les cheveux. Et en fait peut-être que c'est ça quoi qui a fait ça. Et fait, depuis, voilà. Depuis tu supportes plus qu'on te touche les cheveux. Ouais en fait ça me fait comme comme un frisson quoi. C'est ah comme ouais. Si comme si tu vois genre tu t'es interrogé, t'as pas pris ton cours quoi, un truc comme ça, quoi. Ah ouais d'accord, ok. Alors après moi j'ai pas une phobie, enfin c'est pas une quoi que si. Ah non, t'en t'as trouvé hein. Oui, c'est la aptophobie. L'aptophobie, bah voilà, tu es aptophobe Raphaël. D'accord. Voilà, comme ça au moins on se couchera tous moins cons ce soir. Tu pourras le placer et tout, mais non, tu es. Bah ouais, moi je suis aptophobe, etc. Ouais, c'est clair. Ouais, ça va être cool. Bon, c'est ouais, touché moi en général, hein, c'est ouais, pas juste les cheveux. Moi j'ai un truc qui m'énerve aussi, c'est les bruits de bouche. Je supporte, enfin les bruits tout court, hein, mais les bruits de bouche, putain, je peux devenir complètement ouf. C'est quelqu'un qui a un chewing-gum. Ou les mecs qui chuchotent dans des salles d'attente par exemple. Je déteste ça. Ouais. Et pire, quand Polo mange des pâtes. Enfin des pâtes ou n'importe quoi. Hein. Et là, il met en bouche, il fait. Mais c'est normal, mais ça se mange comme ça. Non, ça se mange pas comme ça, mais tu manges comme un ouf. Mais... Ou les bruits de ronflement, bref, tous les bruits, je n'aime pas. Ou les chips, c'est qu'ils sont en train de bouffer. Je déteste ça aussi. Sauf quand je fais le bruit moi. À ce moment-là, ça va. Bah, non, mais à ce moment-là, là, oui, je peux. Là, ça va. On te comprend. Mais sinon, c'est un autre bruit, ça me rend dingue. Oui, je sais, je devrais consulter, je le sais déjà. Lorenzo est avec nous. Reste avec nous, Raphaël de Toulouse. Comment ça va, Lorenzo? Ça va. Bon, tant mieux. Bienvenue à toi, Lorenzo. Alors, c'est quoi ta phobie, toi? Moi, j'ai la phobie des transports en commun. Ah, c'est pas mal, ça, pour gérer qu'on te dépose partout. Non, mais tu comprends, je peux pas prendre le transport en commun, j'ai la phobie. J'ai la phobie du transport, je peux pas me déplacer. Bon, mais pourquoi t'as la phobie du transport en commun? T'as eu un problème un jour? Ben, je sais pas, c'est tout le monde là, il touche partout, il y a trop de gens dedans. Ah bah ouais, mais ça, tu prends les transports de. Ouais, tu prends les transports de nuit, comme ça t'es tranquille. Oui, d'accord, ça je dors sur place après là-bas. Oui, ça c'est un autre problème, mais ça peut pas avoir les solutions à tout non plus. Hein. Ouais, en fait, t'aimes pas les gens, c'est pas spécialement les transports en commun, même dans les centres commerciaux, tu dois être mal, non? Non, c'est pas ça, c'est juste dans les transports en commun, que ce soit dans les trains, dans les bus, tout ça, je supporte pas. C'est dingue, et tu te déplaces comment du coup? Mais du coup, c'est ma mère qui m'amène tous les jours. Enfin, là, voilà, me déplace. Oh là là, ça c'est énorme, j'y ai pas pensé quand j'étais plus petit donc. Non, parce qu'après, je dis pas que t'as pas ce problème là, hein, mais tous ceux qui l'ont pas. Maman, j'ai la phobie des transports en commun. Tu peux me déposer? Mais, oh là là là là, génial. Mais genre être dans une pièce où il y a plein de monde, ça te dérange pas? Non non, ça me dérange pas, c'est juste le fait d'être enfermé par exemple dans un bus avec plein de monde là et que ça roule quoi, c'est le truc, je supporte pas ça. Ah putain. Et à l'avion? Mais à l'avion, je suis jamais monté encore. Ah d'accord, ok, mais tu crois que t'aurais peur ou pas? Je sais pas, c'est grand quand même un avion, non? Bah oui, ça dépend lequel, mais oui oui, dans l'absolu c'est grand. Note, un train c'est grand aussi hein. Ouais, ouais, mais quand même, c'est très étroit un peu. Bah ouais, tu dis quoi, Raphaël? Je dis nation, le truc qui est flippant des fois, c'est que tu peux pas bouger, alors qu'un train, tu peux bouger. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, l'avion aussi, hein, quand t'as une turbulence, t'es attaché, mais sinon tu peux... Bon, tu peux te déplacer au pire. Hein. Attends, il y a Stéphanie également, là, de Saint-Ouen, là. Stéphanie? Oui. Alors, Stéphanie, c'est quoi ta phobie, toi? J'en ai deux, moi. Ah, vas-y, fais péter la première. Arachnophobe. Arachnophobe, c'est les araignées? Ouais. Tétanise, je peux plus bouger quand j'en vois une. Bah, t'aurais dû venir quand on avait la migale. Ah oui, ouais, t'aurais non, été non, bien. Même pas en rêve. Ah, franchement, on aurait été top. On peut voir quand vous voulez, mais pas quand tu es là. Bah, franchement, j'étais pas à l'aise non plus, et finalement, ça va. Elle était cool, hein. Ouais, t'es cool, t'es gentil. C'est cool, ouais. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et l'autre? J'ai peur de l'eau. Comment ça, de l'eau? Donc tu es dégueulasse en fait, tu ne te laves pas. Non, non, en fait j'ai peur d'avoir la tête sous l'eau. Ah. En fait, quand j'avais 7 ou 8 ans, j'avais des activités piscine là, avec l'école. Ouais. Et il y a une meuf qui m'a tenu la tête sous l'eau et j'ai failli me noyer. Et depuis, quelle déconne. La tête sous l'eau, je panique. Ah bah oui, non mais je comprends. Ouais. Bah, et donc du coup, les douches, comment ça se passe? Ah bah je me lave pas les cheveux. Bah si, mais non, faut pas que je... En fait, quand je le fais moi, ça va. Ouais. Mais dès que je suis à la piscine ou machin, si j'ai toujours peur que quelqu'un s'approche, elle me mette la tête sous l'eau et ça, c'est... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est marrant ça. Bon ben, du coup, très je bien. Je ne vais plus à la piscine. Eh ben écoute, tu fais pas peut-être bien, va savoir. Bon ben en tout cas, on va continuer à parler des phobies. Raphaël, Lorenzo et Steph, merci beaucoup d'être passés. En tout cas, vous revenez quand vous voulez, hein. Bah, ça roule, merci beaucoup, gros bisous. Et on revient dans quelques minutes sur Fun Radio, comme promis, avec le son de Clean Bandit. Ce sera Rarebee sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Ah Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio dans toute la France, évidemment, avec un mix tout à l'heure exclusif de Quentin Mosimane. Sera à 2h du mat. Restez bien là pour la peine. JB est revenu. Oh bah comme alors, quoi, tout arrive. Voilà, JB la nuit qui sera de retour tout à l'heure à partir de 2h du mat. Donc mix donc en exclu bien entendu de Quentin Mosimane, que vous retrouvez également d'ailleurs tous les week-ends sur Fun Radio. Dans Party Fun, Alexandre qui dit: moi ma phobie c'est l'école, comme 99% des Français, j'ai la phobie de la gueule de Toff également, et je vous adore, merci Alex. Et puis continuez avec tous vos messages en direct hein, sur le Twitter de l'émission, hashtag et Mickaël, pour notamment gagner les cadeaux si vous êtes l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission. Il suffit de placer un maximum de hashtag et Mickaël dans vos messages, quels qu'ils soient. Vous pouvez venir nous rejoindre également sur le Facebook de l'émission, et puis il y a le call également de Fabio. Quel poisson n'a jamais d'anniversaire? Pour gagner votre casque Beats by Dre, il suffit tout simplement eh bien, de répondre à cette call, justement en envoyant et Mickaël suivi de votre réponse au 64 900, ou alors directement sur le Facebook également, hein, facebook.com/Mickaël officiel. Il y aura Nervo et Rehab aussi tout à l'heure avec Revolution, et puis je vous parlais de Clean Bandit avec Rattleby. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben c'est ça, écoutez ça. Voilà, je vous le cale dans moins de 10 minutes sur Fun Radio, Clean Bandit, histoire de chiller pendant que Toff ira chier. Exactement, Rattleby sur Fun Radio, 23h50, également bonne nouvelle. C'est la nuit sans pub, plus de pub jusqu'à la fin d'émission minimum, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Et merci à Théo également, un auditeur qui m'a ramené une bouteille de Sumol, enfin une canette de Sumol. Dis donc, bonne canette remplie de sucre, c'est parfait. Mais nous on a rien comme d'hab. Bah non, bah c'est normal. Arrête, t'arrêtes pas de critiquer le sumo là, et là maintenant tu veux une canette. Non, pas de sumo, là, surtout pas, c'est dégueulasse. Bon, bah voilà. Alors s'il y en a également là qui ont vécu au Portugal ou qui connaissent les chewing-gums, les super gorilles, j'adorerais ça. Oh là là, putain, tu mettais ça en bouche. Bon, alors c'était, t'avais une c'était pas une impression, hein, t'avais un afflux de sucre qui débarquait. pendant 10 secondes. Ouais, et puis après, poubelle, il fallait jeter, c'était dégueulasse après. Mais sur le moment même, c'était hyper bon. Donc si jamais il y en a qui en ont encore, je sais plus où trouver ça. N'hésitez pas, il y a Victor Dacosta aussi qui dit: c'est bon, Mickaël, t'as pris ta bonne boisson qui te remet bien. Ah, c'est toi Ah, c'est quoi ça? Non mais c'est des sugus, ça, t'es sérieux ça? Théo, là, 8h qui monte des sugus, je m'en branle les sugus, moi je veux des super gorilles, voilà. Bon oui, Vitor, très bien, et en passant Viva Portugal, coucou, vous êtes super, continuez comme ça. Je vous kiffe, PS Tof, je t'adore, Aurélie, la petite gendarme. Ah mais moi aussi Aurélie, je t'adore, quand est-ce que tu viens m'arrêter? Ouais, c'est ça, ouais. Nina qui dit: moi j'ai la phobie des clowns, il y a Mélise aussi, moi j'ai la phobie des escargots, Burke. Laurine, pareil, Mickaël, c'est horrible les bruits de bouche. Oh, je déteste ça aussi, mais je suis content de voir que je suis pas le seul. Arrête! Bon, Laurence également: j'ai la phobie des pieds qui sortent du lit. N'importe quoi. PH qui dit: j'ai commencé à vous écouter il y a une semaine et demie, j'en ai parlé à mes potes et ils adorent, continuer comme ça, merci de nous donner tant de bonne humeur avec vos conneries. Bah merci PH pour avoir fait la promo autour de toi, c'est super gentil, continuez d'ailleurs les autres aussi, faites la promo, merci PH et bienvenue à tes potes. Et d'ailleurs, message de bienvenue pour les potes. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance toi. Voilà, ils sont les bienvenus évidemment. Louis, j'ai la phobie de que ma radio tombe en panne pendant que je t'écoute. Heureusement après il y a internet également Louis, au cas où, hein. Et Dilek, ne faites pas les roucoulements des pigeons par pitié. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que t'as peur ou parce qu'on est ridicule? Je pense qu'il a peur. Ou alors on passe pour des ridicules. Ce qui n'est pas impossible non plus, cela dit au passage. On fera d'autres appels avec Tof tout à l'heure. On fera le top tweetos également. Je rappelle que si vous balancez un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël, eh bien vous serez peut-être élu justement l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag et Mickaël. On est déjà d'ailleurs un des hashtags les plus tweetés de France. Évidemment. Exactement. Comme presque chaque soir d'ailleurs. Bon, retour avec Samir. Avant de faire le canular dans quelques minutes avec Estelle, on parlera encore des phobies avec Crystal, avec Christine, avec Solène, avec Elodie également. Et Samir qui est de retour, donc pas de phobie, Samir? Bah, comme tout à l'heure, je t'ai dit, les araignées, les serpents. Ouais, mais non, je veux dire, hormis ça, il n'y en a pas une autre qui t'est venue à l'esprit entre temps. Il y avait l'eau, comme elle a dit le bitch. Stéphanie. Le tout à l'heure, là. Ouais, voilà, l'eau aussi, ouais, ça m'est arrivé comme elle, là, quand on m'a mis la tête sous l'eau, ça m'a traumatisé. D'accord. C'est traumatisme. Bah, je te confirme, ouais, évidemment. Normal. Ouais, après, c'est tout, ouais. Mais ça va, ça suffit déjà, on va pas m'avoir tout non plus. Non, c'est déjà pas mal. Bon, écoute, Aurore, donc toi, tu nous avais appelé parce que ton mec vient de te larguer sans aucune raison. Tu veux qu'on l'appelle ou tu veux que je te présente Samir? Je veux bien qu'on l'appelle. Bon, si jamais ça va pas avec ton mec, Aurore, qu'on n'arrive pas à trouver de solution, au pire je te présente Samir. Ouais, non, c'est bon. Bon, écoute, j'ai essayé Samir. Hein. N'insiste pas. Non, j'insiste pas. Bon, Samir, reste avec nous. On va reparler avec toi dans quelques minutes, qui est célibataire depuis 10 ans. Si jamais ça vous est déjà arrivé également, bah lui, c'est parce qu'en fait, il sortait avec une meuf quand il avait 15 ans. Sa meuf s'est barrée avec son meilleur ami. Donc, du coup, ça l'a perturbé. Mais enfin, 10 ans de blocage quand même, malgré tout, c'est bizarre. Bon, Aurore, on y va. On l'appelle. Il s'appelle comment lui? Tanguy. Bon, il a pas choisi. Sérieux? Oui, il a bien fait de se barrer et court pas derrière ça. Mais oui. Respect à ceux qui s'appellent Tanguy, ils ont pas choisi. Bon, attendez, par contre, que les choses soient claires, je cours pas après lui, je veux pas du tout récupérer, c'est juste qu'en fait, voilà, moi je veux juste comprendre en fait pourquoi il m'a quitté et juste savoir ce qui est normal, je trouve que c'est normal, mais voilà. Mais parce que tu parles trop, enfin je suis sûr. Tu parles trop vite, trop, mais c'est trop. Je parle pas trop. Mais est-ce que tu connais bien sa voix? Oui. Non mais je veux dire assez bien, tu risques pas de... Parce que si c'est son pote qui décroche ou des conneries comme ça, non? Ah oui, non, oui. Oui, bon. Je reconnais bien sa voix. Tu reconnais bien sa voix. Bon, bah écoute, très bien. Alors écoute, on va essayer de l'appeler, moi, hein. Qu'est-ce que je te dise, moi? On va essayer de l'appeler maintenant, hein, et puis Aurore, on verra bien. Hein. Bah oui. Bon. Mmh. Allô? Oui. Ouais. Ouais, c'est... Allô? C'est Aurore. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que tu ne me répondais pas depuis tout ce temps? Mais parce que je sais pas. Je peux savoir pourquoi tu m'as quitté sans raison? Sans rien me dire? Bah, en fait, c'est parce que tu parles trop, quoi. De quoi? Tu parles trop. C'est pas Tanguy là. Hey, ça a quand même... On a quand même réussi 20 secondes, hein. Et pour quelqu'un qui connaît très très bien, ouais, je le reconnais sans problème. Sérieux, t'as la même voix que lui. Ouais, c'était Tof, hein, c'était pas moi. Hein. Non mais d'accord, mais à peu près, enfin, je sais pas, j'ai vraiment cru sur le coup, mais voilà. Non, ouais. Merde, bon. Je me suis fait avoir. Ben oui, comme quoi ça arrive même au meilleur. Bon, t'as vu, je pourrais être ton mec idéal. Ouais, tu parles ouais, d'idéal, ouais. Tiens, tu parles d'idéal. Bon, Aurore, on y va, on l'appelle vraiment là. Oui. C'est parti, vas-y. Oui, hein. Nous, on est derrière au cas où. Hein. Ok, ça marche. Allez. Hop là. Allô. Allô. Il n'a pas la même voix. Je sais pas si voilà. Il a une voix, il a des couilles lui. Ouais. Ouais, je peux te parler? Non. C'est pas vraiment le moment, mais bon. Bah, genre à minuit, ouais, il fait quoi? Il fourre, il ramone. Il est avec sa meuf, ouais. T'as pas. Ouais, enfin, ouais. Vas-y, je sais pas, tu veux savoir quoi? Ben, pourquoi tu m'as quitté sans raison, sans rien me dire? Bah. C'est par logique que je demande des explications, quoi. Des explications. Et hier, c'est toi qui as appelé aussi? Non, c'est pas moi, non. Tu dis qu'il a appelé hier soir? Ben, je sais pas, mais c'est pas le sujet, là, Tanguy. À 1h du matin, j'ai reçu un appel. Oui, mais c'est pas le sujet, ok? Donc moi, je te demande des explications, mais ne me lance pas sur un autre sujet. Ouais, mais je te demande, ouais, c'est tout. Il a pas envie de répondre. Ok, bah surtout. Très bien, mais moi, je veux savoir, si t'as pas les couilles de me dire des choses, enfin, je sais pas, dis-le, quoi. Si, bah, je vais te le dire. Bah, vas-y, j'écoute. Je vais te le dire, voilà, je suis... Non, mais voilà, si tu parles trop, je peux rire. Ouais, bah, tu me laisses parler, tu veux des explications, quoi. Ok, bah, je te laisse parler, calme. Certes, je t'ai pas donné de nouvelles. Certes, j'ai fait le bâtard avec ça. Certes, ça se fait pas. Je suis bien d'accord avec ça. Ouais. Mais le fait, pourquoi je t'ai quitté, c'est tout simplement parce que, ok, j'avais plus de sentiments non plus. D'accord. Et de deux, la réaction, la dernière réaction que t'as eue la dernière fois, putain, j'ai oublié les escaliers. La dernière fois avec aussi ma mère, quand t'as pété ton câble, là, quand j'ai dû repartir au régiment. Ouais, enfin, J'en ai parlé. Certes, je suis d'accord que t'as eu des soucis, que t'as eu des soucis avec ça. Je le constate très bien. Ouais. Je te l'ai même dit, j'avais accepté. Ouais. Voilà, j'ai fait avec. Mais après, voilà, je pense oui, que moi, aussi, mais voilà, moi, je me garde les yeux. Et je me garde les yeux avec ça. J'en ai parlé avec ma mère. Comment? Attends, j'ai pas compris ce que t'as dit. C'est pas drôle, il y a des vrais problèmes. Merde. Ah ouais, merde. Oui, attends, je sors. La dernière fois où t'as pété ton câble, là, quand on était à la gare. Oui, ça, j'ai pas pété mon câble, c'est rien ce qui m'est arrivé, donc voilà. Oui, bah, je te concentre très bien, je t'ai dit, voilà, bah, même s'il y a des soucis, bah, moi, je serai toujours là. Oui, pour enfin, toi. Dans ce cas-là, dans ce cas, ça n'allait pas me dire quand que oui, j'acceptais tous tes machins, que oui, c'était la fin de ta vie ou quoi, etc., etc. Si c'est pour me larguer comme une merde, comment tu l'as fait, quoi? Ouais, mais voilà, le comportement que t'as eu, ma mère, elle m'a dit. En fait, c'est sa mère qui sort avec elle. Je t'en veux, et je t'en voudrais toujours. Eh ben, c'est pas grave, mais très bien, d'accord. Mais moi, de manière, je t'en veux aussi envers ce que tu as fait, envers mes parents, envers moi, ce que tu as fait, comment tu t'es comporté avec moi. Enfin, voilà, là, mon message, quand tu quittes une personne, c'est de dire les choses en face, de dire la vérité, pas de faire le mort pendant... Elle m'a fatigué déjà. Elle donne mal au crâne, c'est vrai. Voilà, quoi. Mais j'arrive. Ouais, non, mais je suis... Il a réécouté. C'est d'accord. Certes, j'ai fait le con. Il n'avait rien à foutre. Ouais, mais c'est marrant, voilà, la réaction et la manière dont tu t'es comporté la dernière fois. Et sinon, je raccroche au nez du mec et je dis à la meuf, putain, t'as raccroché au nez, ça se fait pas. Et comme ça, on est tranquille. Tard. Ouais, ça. Parce que là, nous entendent pas. En fait, t'es un fils à maman, en fait. C'est simple, c'est simple. Laisse encore. Ouais, laisse encore. Je t'ai dit très bien que, peu importe, je t'ai dit, ma réaction, ma façon d'être, elle dépend de la façon dont toi, je vais me comporter avec ma famille et avec mes, mes amis. Tanguy, tu me laisseras juste, attends deux secondes, je te laisserai juste te dire là, tous les sacrifices que tu m'as demandé de faire, le fait de t'attendre pour partir quand tu vas partir en mission, etc. Tous les sacrifices que j'ai fait pour toi, accepter tes amis, accepter ton ex, tout ça. Franchement, moi, tu m'as demandé de faire plein de sacrifices et tout ça, et toi, t'as rien fait pour moi, à part accepter mes soucis que j'ai. Mais enfin, voilà, quoi. C'est moi, j'ai fait plein de trucs pour toi, et toi, j'ai partir comme ça. J'ai accepté ton métier, quand même. J'étais prête à t'attendre 4 mois. Enfin voilà, c'est pas n'importe quoi. Et toi tu pars comme ça, bah écoute, après ce plein pack, tu galères pour trouver une meuf. Hein. Je suis d'accord que là-dessus, t'as raison. Et je vais prendre sa place. Je vais continuer à parler. J'ai du mal à l'accepter, voilà. Okay, ouais. Mais par rapport à ma mère, tu vois. Je suis d'accord, tu l'as bien accepté. Ah, mais tu vois, c'est pas la façon où j'attendais que tu l'acceptes. Tu l'as accepté d'une manière... C'est pas la façon que je cherchais, tu vois. Tu es un peu trop... Peut-être un peu trop possessif. Un peu trop possessif. Ouais, il est relou, dis-lui qu'il est relou, il raccroche. Attends, écoute. Il n'y a pas de... Attends. c'est écoute-moi. Quand je t'ai fait, écoute, ce week-end, j'ai pas envie de venir, j'ai envie de rester avec ma mère. Écoute, j'essaie de rentrer dans mon personnage. Papa, fallait pas me dire 3 heures avant que. Non, je préfère faire elle en fait, c'est plus facile. Qu'est-ce qu'elle est insupportable. Écoute, je viens pas alors qu'avant t'étais tout content de me dire oui, je viens, super, machin et ça. En fait, j'y vais. Non, mais en fait, le mec, c'est ça, il devait l'appeler, il devait être de bonne humeur. Parce que j'avais réfléchi, et c'est vrai que voilà, j'avais envie de passer aussi un moment avec ma famille. Donc en gros, ça faisait déjà longtemps que tu m'aimais plus. De quoi? En gros, tu m'as peut-être juste pris pour le cul en fait. Non. Ah là, il aurait dit oui, mais non, parce que je t'aurais pris que pour ça, je serais venu que pour ça. Je me serais même pas fait chier à te ramener chez moi, à te présenter à ma mère. Ouais. Après, tu crois que... Oui, non, mais je te crois que je m'aurais pas présenté à ta mère, etc. Ah oui, d'accord. Après, tu crois ce que tu veux. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein, non, mais je te crois. Au régiment, on l'appelle la mitrailleuse. Hein, elle parle plus vite que les balles. C'est vrai que tu m'as fait du mal en te comportant comme ça. C'est vrai, mais pour moi, je te que t'es pas un connard, mais t'en es pas un. C'est juste que voilà, t'as tes moments, etc. Ok, d'accord. Mais la main des autres, c'est de... Moi, je te dis que pour la prochaine fille, franchement, on ne fait pas du tout la même chose. Il y a Thierry qui dit qu'elle peut faire rappeuse et enchaîne vite les phrases. Ah oui, ça, c'est sûr. Plutôt que de faire poireauter comme ça, parce que je peux te dire le mal que ça fait. Deux semaines. Enfin voilà quoi, maintenant ça va mieux. Attends deux secondes, il y a mon neveu qui m'appelle. Je te coupe pas, mais je te reprends tout de suite après. Ok. Donc là on attend un petit peu là. Ouais voilà. Oui. Bon, on en était où? Comment? On en était où? De quoi on était où? Ah, c'est pas Tanguy là. Non, ça a coupé avec Tanguy là, je sais pas ce qu'il a foutu là. Mais oui, il a non mais est-ce que c'est possible d'être comme ça? Oh là là, il a pas l'occasion d'en placer une qui a... Putain. Hey, tu as pas le bélé bélé bélé là? Non. La musique. Ah mais tu l'aurais bien fait toi. Bélé bélé bélé bélé bélé. Waouh, putain, violent quand même là. Hein. Mais je comprends en fait, c'est-à-dire que tu l'as saoulé. Ah si. Vas-y Aurore. Allez, fais-nous une petite impro là. Allez, vas-y. Tang. Je sais pas faire ça moi. Mais si, tu l'as fait quand même là. Attends, on va le rappeler. Bon, dis. Attends, on le rappelle. Dis que ça a coupé. Non, ça a pas coupé, c'est lui qui a coupé. Non, je crois que ça a coupé. Ouais. Oui. Ouais, désolé, j'ai mis mettre fin à l'appel et répondre à l'autre. Ouais, non, c'est pas grave, ok. Ah non, là, elle est calmée, là. Deux secondes. Oui. Merde, j'ai oublié de couper le truc, il nous a entendu. Merde. Ouais, tu lui as fait peur. Ah, du coup, il a raccroché, j'ai oublié de pousser sur le bouton pour qu'on nous entende pas. Merde. Bon, ouais. Attends. Non, je sais pas ce qu'il a dit, il a dit deux secondes, je crois qu'il a dit ça. Attends, vas-y. Donc là c'est bon, ils nous entendent plus là. C'est bon, j'ai poussé sur le bon bouton. Ou alors il l'a reconnu et du coup il veut mettre la radio. On a l'air con, on est foutu. Putain merde, je voulais faire un petit remix avec Dibidibi Sound. Ah c'est mort hein. Ouais. Là tu lui as fait peur. Ah je crois qu'il veut plus te parler Aurore. Ah ouais. Oh bah voilà, bah t'es célibataire hein. Et note. Enfin elle le savait déjà ça. Ouais je sais, mais encore plus que prévu quoi. Bon bah Aurore et Samir, moi je crois que pourtant que vous feriez un beau couple. Ouais, parce qu'au moins vous donneriez mal de tête tous les deux. Hein sérieux, ah ouais, l'ancienne, c'est un décibel, c'est un truc de fou. Ah ouais, ça cartonne hein, vous deux. Je suis trop chier là. Je sais plus où je suis. J'habite où à Perpignan, c'est vrai, ça y est. Je vais essayer de me repérer. Ah ouais, m'a fait des dégâts. Non, allez calmer là. Oui. Ouais. Regardez-les, les deux autres, ils se taisent. Ouais, c'est des dégâts. Mais rien. Allô. Oui. Ouais. Bah ton copain, je crois qu'il faut l'oublier. Ah oui, non, mais de toute manière, j'ai déjà oublié, mais enfin, ouais, c'est pour avoir des explications. Bah, t'es resté combien de temps? 2 mois avec lui, ça, non? Et l'autre, il enchaîne, deux mois. On dirait que t'es attaché bien plus que 2 mois, on dirait, franchement. Ah bah oui, mais en même temps, voilà, il m'a promis des choses. Bah regardez, on va mettre un disque. On va mettre Rehab et Nervo. je sais pas. Et vous allez voir qu'ils vont rien remarquer. Merde. C'est tout le monde pareil. Voilà, on va mettre ça. On va les reprendre après, ils vont rien remarquer, vous allez voir. À la fin de vie, je vais les remettre à l'antenne, vous allez voir, ils vont rien remarquer. Ria Benervo maintenant, c'est Revolution. Tu vois, là, ils sont en train, ils sont avec la bouteille d'oxygène en train de prendre un peu d'air. Je les entends. Oh, Mika, assure, reviens, réapparaît. Mais du coup, ils sont quoi? Bah non, mais ils sont là, ils sont là. Du coup, là, on est sur l'antenne. Allô, comment? Du coup, là, on est sur l'antenne. J'ai rien compris de ce que tu viens de me dire. Je dis, du coup, là, on est sur l'antenne. J'ai toujours pas compris, là je vais te saouler, tu vois. Mais articule s'il te plaît, tu vas m'aider. Mais du coup là on n'est plus en antenne. On n'est plus en quoi? Voilà, le morceau est terminé, ils sont toujours en train de parler. Hein. Et ce qui est bien c'est qu'il disait à un moment, ouais je suis sûr qu'ils sont en train de se marrer là alors. Si, on est toujours en antenne là. Je crois. Mais on nous entend. S'il faut t'as raison, ils ont mis en antenne. Apparemment ils nous fassent sur une... Ah non. Je sais pas, ils m'ont dit de pas mettre de radio, donc je sais pas. Mais apparemment ils sont en train de mettre une musique sur une radio. Sur une... Ils sont en train de nous mettre sur une musique. Pourquoi t'as la radio à côté? Il y a Snorky qui dit putain les pipelettes qui sont pas mal à la langue. Ah mais c'est ouf les deux là, c'est incroyable. Ils doivent mourir de soif après autant de débiles là. Ah là là, mais qu'est-ce que vous parlez, c'est un truc de dingue ça quand même. Il y a Aurore, un message qui dit Aurore mérite un coup de pelle. Oui, je confirme. Et Leito aussi qui dit un débit de parole impressionnant, en plus la conversation tourne en rond, nice la musique de Rocky. Jordan qui dit mort de rire le coup de la music box. Et Riel qui dit ça continue, ils se rendent même pas compte qu'il y a un son qui passe. Non mais ils entendaient pas, hein. C'était très très fucking hoof, exactement. Ouais, m'entendais pas. Ah bah non, je confirme. Bah non, et alors bah bon, vous avez fait connaissance maintenant, c'est bien, vous allez pouvoir faire votre life. Non, désolé. Ah, non, c'est pas grave. Non, je parle pas à vous. Attends, non, désolé, j'ai pas. Ah oui, tu parles à tout le monde, t'inquiète. Bon, bah, vous aviez l'air de bien vous entendre, on va vous laisser hors antenne, hein. On va vous échanger les numéros, et voilà, puis vous rappelez. Moi je veux bien, moi. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Rassurez-moi les deux. Vous avez. Vous voulez me rassurer, vous avez forfait illimité. Oui. Oui, ok. Bon, il vaut mieux, hein, parce que vu comment ça parle, là. Bon, SMS illimité, on s'en fout, mais le voix, là, il le faut. Ah ouais, il faut. Ah ouais. Bon, Aurore et Samir, bon, faites-nous des petits, hein. Oui. Allez. D'abord on va discuter, après on va. Voilà, discuter seulement. Discuter, c'est très bien. On va commencer sagement. Salut à vous en tout cas, bon week-end, ciao. Salut, bon week-end, ciao. Bye bye. On va récupérer Crystal pour les phobies dans quelques minutes. Avant cela, eh bien, il y a bien entendu, comme chaque soir, on va dire à peu près toujours dans ces heures-ci, hein, en tout cas plus ou moins, il y a bien entendu les teubés de la télé. Eh oui, dans notre émission du moment, c'est Giuseppe qui nous apprend. Un nouveau mot. Je me suis cassé le bras. Oh, t'as s'est cassé le bras. Bon, c'est la cata. Elle avait une jambe de l'autre côté, les bras dans tous les sens. On aurait dit un hiéroglyphe. Un hiéroglyphe. Alors, je ne sais pas ce qu'est un hiéroglyphe, mais elle non plus, à mon avis. Et depuis le temps qu'on vous dit que la bite et le cerveau sont liés, j'en ai enfin la preuve. Aujourd'hui, l'homme a le plus grand pénis de tous les primates. Mais aussi le plus gros cerveau. Le plus grand progrès que les humains aient fait en matière de sexualité a coïncidé avec l'évolution de leur cerveau. Ah, comme quoi ? Comme quoi. Bon, et dans l'émission pour tous, il y a Ruquier qui ne connaît pas bien ses stagiaires, a priori. Bon, on va voir si Alexia, oui. C'est vraiment qui est ce monsieur. Bonsoir, Alexia. C'est Leopoldo Lopez Mondora. Et alors, qui c'est ? C'est un économiste vénézuélien, un truc comme ça, je crois. Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je sais pas. Mais alors là, vous êtes quand même vachement balèze, alors. Je suis épaté comment vous le connaissez. En fait, je suis stagiaire ici. Ah, il connaît bien ses stagiaires, hein. Il connaît bien les stagiaires. Et pour finir, écoutez la parole d'un sage dans la nouvelle édition. Elle fait des ravages dans le cœur de... des gens qui la regardent. Mais quoi elle pense? Ah ben ça, j'en sais rien. Ce que pensent les femmes, ça c'est bien mystérieux. Et je me demande si elles pensent déjà. Enculé. Je me demande ce qu'elle pense. Bon, allez, Jordan qui dit mieux de rire, Mickaël, t'es vraiment exceptionnel, toi et l'équipe, là. Je vous remercie, gros bisous. Ben, merci, Jordan, d'écouter surtout. Manu qui dit mort de rire, blablabla, blablabla. Putain, elle enchaîne. Ah, bah, ça, c'est sûr. Hein. Terry également, elle peut faire rappeuse, elle enchaîne plutôt vite ses phrases. Et alors, Amel également qui dit moi, j'ai la phobie des chiens, apparemment, ça s'empire. Je cours partout quand j'en vois un. Je pourrais avoir la chanson de bon anniversaire à minuit. Ah, bah, minuit 13, on est un peu en retard, mais bien sûr. Voilà. Bon anniversaire, Amel. Bah, tu mérites, hein, c'est normal. Ah oui. Ah ouais. Et il y a Mister Pepper qui dit laisse tomber, elle enchaîne les phrases, truc de ouf. Plus qu'à la fiancée à Samir. Allez, fais tout pour l'équipe. T'inquiète, c'est fait là, ils ont changé leur numéro. Voilà, bon anniversaire également, Amel. Comme ça, au moins, c'est fait et c'est plié. Il y a Mystique également. Sumo l'ananas, c'est mon préféré. Ah non, Sumo l'orange, n'importe quoi. Et Julio également qui dit j'ai plein de super gorilles. Ah bah vas-y, mec, on l'envoie. Ah ouais, ah putain, là, je serais content. Là, des bons chewing-gums portugais. Envoie une boîte. Full sucre. J'ai la phobie des clowns, pour Déborah. Et on va également prendre Cristal avant de faire le canular avec Estelle. La bouche pas Estelle. Cristal de Perpignan, donc, pour bien entendu parler des phobies. Bonsoir Cristal. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Cristal. Ah. Bonsoir tout le monde. Enfin non, quel... Attends, c'est pas Cristal, c'est Christelle. Ah bah il y a marqué Cristal dans le standard. Bah bravo, tiens, pour Sandro. Voilà. Hop, c'est fait. Bon, donc Cristal. Bon, elle est gentille, c'est pas gentil. Cristal, ça fait un peu pute, Cristal. Non, c'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle pas Cristal, note. Voilà. Bon, Christelle. Ah, non, c'est bon. Bah oui, c'est Cristelle, donc. Ouais. Alors, c'est quoi ta phobie? Alors en fait, moi je suis kénophobe et acrophobe. C'est quoi ça, t'as peur de Ken et de Barbie? Non, kénophobe en fait c'est la phobie du noir complet. Ah bon? Ça s'appelle kénophobe. Ouais. Oui, kénophobie, peur de l'obscurité. Ah ouais, c'est marrant, ouais, si je sais pas. Bah, je me coucherai moins con ce soir, tiens. Comme quoi on a appris tous les jours. Je crois que c'est la peur de Ken le survivant, mais rien. Non, donc kénophobe, d'accord, ok, donc toi t'as peur du noir, ok. Ouais, mais le noir complet en fait. Le noir complet. Ouais, qui est pas une seule lueur, rien, je peux devenir dingue. Surtout les gens en général, quand on est dans le noir, ils aiment bien faire peur aux uns et aux autres. Mais moi, c'est même pas la peine, sinon je cogne. Hein. Alors, il y a un bon restaurant où tu pourras aller. Un restaurant, il y a ça à Paris, il y en a à Bruxelles, il y en a les Halles. Le resto où tu manges dans le noir, tu sais, en mode aveugle, quoi, en fait. Hein. Et donc. Ouais, tu devrais essayer. Tout serait bien. C'est même pas la peine, les gens ils vont repartir, on va avoir des coups de fourchette, de couteaux de partout. T'imagines la violence quand même. Oh, ça peut être drôle. Non, mais c'est surveillé par des mecs avec des trucs infrarouges, hein. Tu sais pas, ils font pas n'importe quoi. Hein. Je sais pas si c'est des mecs infrarouges, parce que c'est des aveugles qui servent et tout. Si, je crois qu'il y a des caméras. Non, mais c'est surveillé parce que les gens. Il y a des caméras parce que c'est surveillé parce que les mecs, tu sais. Bah c'est facile, hein, tu te lèves, tu mets un doigt. Non mais tu vois, tu te lèves, tu butes le mec, tu t'en vas. Ou tu voles le mec, donc c'est quand même surveillé. Ouais. Mais après, effectivement, c'est des aveugles qui servent. Qui servent, exactement. Et donc toi, c'est venu comment la peur du noir là? En fait, je me suis retrouvée un jour enfermée dans les caves. Ouais. Et le noir complet. Et je trouvais pas la lumière et je suis partie en totale panique. Et je suis restée dedans au moins pendant 2 heures. Ah oui, quand même. Et on m'a retrouvée, j'étais dans un coin, j'étais blottie, mais comme un bébé. Et je bougeais pas, quoi. J'étais en pleurs, j'étais en larmes. C'était une trouille de fou, quoi. Ah ouais. Et depuis, quand je suis dans le noir, je panique. Et l'autre peur que t'as, c'est quoi? L'acrophobie. Acrophobie, ça c'est quoi ça encore? Ouais. L'acrobranche, t'as peur? Ou des acrobaties? Non, c'est la quoi peur de la hauteur? Non, l'acrophobie, c'est la peur du vide. Ah, c'est même chose que toi, alors. Ouais, c'est ça, ouais, c'est l'acrophobie. Ah, ben, c'est très bien. La peur du vide, mais en fait, moi, c'est la peur du vide, mais le vide m'attire, en fait. Ouais, mais en même temps, oui, c'est normal, t'es toujours attiré, même quand t'as le vertige, t'as toujours tendance à aller vers le trou, alors qu'en fait, t'en as peur. Mais c'est ça, en fait, qui fait que t'as peur. C'est parce qu'en fait, quand t'as le vide, et t'as l'impression que t'es attiré par le vide, c'est là que t'as peur. Si on n'avait pas ça, il y a une tribu indienne où il n'y a aucun mec qui a peur du vide. Ah c'est bon un truc de ouf, ouais. Et c'est eux qui sont les spécialistes de fabrication de buildings à New York. Ah les grands buildings. Ouais, les mecs, il y a des trucs de ouf. Mais je vous ai mis la semaine dernière une vidéo de deux mecs là qui ont escaladé une tour, la plus haute tour. C'était c'est des malades. Je sais plus où. Mais c'est d'une violence. Ils ont mis des GoPros et ils sont mains nues. Hein, ils en ont rien à foutre. Hein. Les mecs sont des ouf complets, quoi. C'est-à-dire que c'est des ouf. Voilà, il y a rien à dire d'autre. C'est des dingues. C'est des complètement dingues. Et donc du coup, toi t'as laissé de là. Ça va, tu le vis bien. C'est pas non plus un truc. T'es pas dans le noir tout le temps et t'es pas non plus dans le vide tout le temps. Non, elle a une veilleuse, quoi. Bah non, heureusement. Bon, bah très bien. Putain, on irait mal ensemble. Moi, j'aime bien dormir quand il fait tout noir. Tout noir. Ah ouais. Ah non, mais s'il y a quelqu'un pour dormir, s'il y a quelqu'un, ça va. Après, si tu fais peur dans la nuit, te plains pas le lendemain, tu travailles avec deux yeux en mode... D'accord. D'accord, d'accord, ok. Non, comme ça, alors, d'accord, ok. Eh ben, merci d'être passé, Christelle, du coup. Eh ben, de rien. Et puis, je voulais faire un bisou à Toff parce qu'il s'en prend toujours plein la gamelle. Mais c'est normal. Combien mesures tu, Christelle? Et à l'occasion, je rappellerai, j'aurai une petite blague pour lui. À mon avis, je pense qu'il aimera. D'accord, mais combien mesures tu, Christelle? Bon, alors là, déjà, alors, ce genre de questions, j'y répondrai pas. Mais tu viens de me défendre. Ah, mais tu me fais des compliments et après, tu veux pas... Ouais, le pauvre Toff, Mais changez vos questions. Mais vous posez toutes les questions à tout le monde. Mais je peux pas changer les questions, c'est toujours les mêmes. Bon, d'accord, 1m10. D'accord. Combien pèses-tu? Combien pèses-tu? 85 kilos. Non, 115. 115 kilos, d'accord. Quel est ton tour de poitrine? 0,1. D'accord, c'est pas tout à fait ce que j'attendais, mais c'est pas grave. Et la taille d'un pantalon que tu as acheté? 115. Et donc le mec continue à aller jusqu'au bout parce qu'il sait qu'il aura rien comme réponse. Non, mais il va quand même jusqu'au bout, quoi. Bah, il y a des trucs qu'il faut finir, mais sinon on fait un bowling quand tu veux. Ouais, ouais. Ah, y a pas de soucis. Bah, viens à Perpignan. C'est une quille. Hein. Bah, oui, bien sûr. Je t'ai envoyé une invitation pour Perpignan d'ailleurs. Bon, bah, c'est déjà ça. Avec plaisir, Christelle. Bon, bah, gros bisous, Christelle, en tout cas, à Perpignan. On embrasse tout le monde. Salut, salut. Merci, bonne soirée. Allez, ciao à toi. On aura le canular dans quelques minutes. La réponse à la colle de Fabio également, là, dans quelques instants. Et puis, Drakit aussi, mort de rire, Polo qui a vendu des phobies. Il y a Paul Arthur qui dit je suis allé aux USA et un Américain connaissait Michael. C'est fou, les Américains. Ah bon? Bah, qui ça, Paul? Clément Bas également, les phobie des clowns, celle du vide et celle de Toff, c'est un peu les mêmes. Et Jordan qui dit la kénophobie doit hanter le cerveau de Toff, alors la peur du vide. Et Aurine également qui avait envoyé son message que je n'ai plus, merde, il est parti. Dilek également, j'ai peur des gros et des pigeons, je suis une fille, je suis vexé. Toff qui dit il, mais va te faire enculer Toff par un cactus. Voilà. Avec plaisir, ça a l'air excitant. Et ce soir, se coucher à 2h tous les soirs pour écouter Mickaël, le regretter tous les matins et recommencer tous les soirs. Oh, c'est beau ça. Ah, c'est vrai, c'est gentil. C'est gentil. Bon, on s'écoute le son de Clean Bandit maintenant sur Fun Radio avec Rather Be. Et puis, bah, juste après, promis, on se fait le canular avec Estelle. Comme tous les jeudis soirs, il est 20h sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. C'est Mickaël No Limite. Passez le message autour de vous. On est ensemble tous les soirs de 23h à 2h. Et tous les dimanches de 20h à minuit avec un iPhone 5S, entre autres, à gagner. Ce sera ce dimanche. Prévenez vos potes. We're a thousand miles from comfort. Le son de Clean Bandit à l'instant sur Fun Radio. On est en direct dans toute la France comme tous les soirs. 01 42 48 5000 pour nous appeler. Allez-y, faites péter le standard, on ne lâche qu'à 2h. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe. Tu te marres tellement avec Mickaël No Limite que tu pourras jamais gagner. Aïe. Mickaël No Limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est donc en direct, minuit 23. Il y a un message qui salue, c'est Amandine. J'adore DB. Song. Voilà, c'est ce qu'elle a mis. T'es sûr que c'est pas elle qui chantait la chanson là? Oui, je pense aussi. Alex qui dit moi j'ai la phobie des fucking clowns. Et Salim, juste pour vous dire que de... Ah oui, vous devez rappeler le mec qui allait porter plainte. Ouais ouais, on va l'appeler dans quelques minutes. D'abord il y a le canular qu'on va faire avec Estelle qu'on va accueillir dans quelques instants. On aura la colle avec Fabio. Quel poisson n'a jamais d'anniversaire? Si vous avez la bonne réponse, je vous rappelle donc qu'il y a le casque Beats by Dre à gagner. Si vous avez la bonne réponse, inscrivez-vous maintenant facebook.com/MIKL officiel. Elle attend depuis longtemps et on accueille maintenant Estelle pour le canular du jeudi. Salut Estelle. Salut Mick. Comment ça va? Je m'appelle Mick maintenant, c'est nouveau. Oui. Salut Mick, ça va hein? Il manque un bout à la fin. T'aimes pas le L, c'est ça? Oui. Ah d'accord, ok, très bien. Non mais alors d'accord, au moins il y a une raison, c'est très salut, bien. Salut Mick. Salut Mick. Bon alors Estelle, on va faire le petit canular comme d'habitude hein. Bah ouais. Et t'as prévu un truc en particulier? Non. Non mais on va appeler qui? Tu veux faire quoi? Bah je voudrais appeler ma mère pour lui en croire que je sors avec un garçon plus âgé que moi et qui n'est pas français. D'accord. Ah. T'es dans quelle région ta mère? Dans le nord. Dans le nord, t'habites avec elle? Oui. D'accord, et toi t'as 19 ans, très bien. Bah alors on va mettre un mec d'une quarantaine d'années, 50? 40 hein. Ouais, 40, 40. Ouais, même 50, 45. Ça quel âge est là ta mère? Ma mère elle a 41 ans. 45 c'est très bien, hop, comme ça elle est plus. Comme ça elle va me devoir le respect. Elle est plutôt du style à s'énerver rapidement ou pas? Oui. Eh bah écoute, on va l'appeler alors hein. Donc on s'est rencontrés il y a combien de temps? On aurait pu se rencontrer il y a 6 mois. Ouais. Sur internet, sur un site de rencontre, qu'est-ce qu'il y a comme site de rencontre? Il y a le nouveau truc là que tout le monde fait. Mais il y a 6 mois, ça n'existait pas. Ouais, Badou, bah, Badou, ouais, Badou, voilà, c'est encore pire. Sur Badou, hein. Tu ressembles à quoi, toi? Parce que je suis censé t'avoir déjà vu. Bien sûr, alors Estelle, combien mesures-tu? Je comptais juste voir les physiques. Combien pèses-tu? 49 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90D. Et la taille D comme Denise? Oui. Ah oui. Et la taille de pantalon que tu as acheté? 34. Bah écoute, je peux venir finalement, Véridi. Hein, on peut vraiment s'installer. Hein. En effet. Ouais. Bon, Estelle, on va donc appeler ta mère maintenant. Tu vas lui faire croire donc que t'as rencontré un mec, c'est moi, que t'es venu me chercher à l'aéroport, que là on est. T'es où là? T'es chez toi ou pas? Non, là je suis à Vendrecy. Bon, tu vas me dire que tu vas dire que t'es venu me chercher à la gare de Lille. Oui. Hein, et puis voilà, moi je suis venu de Lille-Flandre, je suis venu d'Ukraine, hein, en train. De Kiev, parce que comme c'est le bordel là-bas, du coup il a fallu que je vienne et t'as proposé de m'héberger, donc je m'installe en France. D'accord. Très bien, putain j'ai peur pour l'accent là, j'ai peur de merder pour l'accent là. Eh, joue bien hein. Toi t'es vraiment in love hein et tout hein. T'as déjà vu ma tête? Oui. Ah bah alors tu vas vraiment être in love, très bien, tu vas pouvoir. Oh, le mec il se la raconte pas. Ramène un peu, tiens. Voilà. Bon, allez, on y va. C'est parti. Et bon bah moi j'ai appris le français hein, fut un temps à l'époque. À l'école, t'as été à l'école. L'école de France. Je t'aime, c'est Yavas Loublou. Yavas Loublou, voilà. Très bien. Spasiba. D'accord. Spasiba. Alors attendez deux secondes. Je note quand même. Spasiba, c'est merci, hein. Ouais. D'accord, ouais. Da, c'est bah oui, évidemment. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a aussi Niette, c'est non. Niette, c'est non. Bon, si vous avez des idées, sinon t'as deux mots là, n'hésitez pas. Hein. Si t'as des phrases, je peux traduire là. Ah, on a le traducteur là. Ouais. Ah bah très bien, parfait. En même temps, elle va rien comprendre. Je sais pas pourquoi on se fait chier là. Non. Bon, alors on y va. C'est parti. On y va. On l'appelle. Comment elle s'appelle ta mère? Tu m'as dit. Dolores. On y va. Bonne chance, Estelle. Je tiens pas le russe là. J'ai peur de merder sur l'accent. Mais... C'est l'ukrainien, c'est pas pareil. Ouais, bon, si, c'est pareil. C'est pas si, bah si. Da. Niet. Privet. Allô. Ouais, c'est moi, si. Maman. Bonsoir, oui. Madame. Ouais, oh là ça là. Va. Ça va être dur. Ouais, bon, ça va. Bon. Oh, ouais, ça va. Dis, j'ai quelque chose à te demander en fait. Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai rencontré un gars il y a 6 mois sur Badou en fait. Ouais. Il est d'origine ukrainienne. Non, et mais... en fait, est-ce qu'il y a la possibilité de l'héberger ce soir, s'il te plaît? Non, mais t'es pas bien, non? Attends, tu connais un mec depuis 6 mois? Un Ukrainien, et tu veux que je l'héberge comme ça, sans l'avoir vu, sans le connaître. Si, et en plus, qu'est-ce qu'elle dit? Non mais puis quoi? Et en plus, je t'ai pas tout dit non plus, c'est qu'il est plus âgé quand même. Plus âgé de combien? Bah il y a 45 ans. Non mais tu te fiches de moi, c'est bientôt l'âge de ton père. Et en plus, tu veux que je l'héberge à la maison. Non mais t'es pas bien dans ta tête. Bah y'a rien de façon, t'es avec là. Allô, Estelle, qu'est-ce qu'elle dit? Si en plus t'es à côté de toi, non mais c'est même pas la peine de rêver là, Estelle. C'est pas si bas. Bah de toute façon, je suis à Vendrecy, là, j'étais chercher à la gare, de toute façon, on arrive à la maison. Tu vas à Vendrecy, tu le laisses là-bas et puis tu te débrouilles, moi j'en veux pas à la maison, non, mais puis quoi encore? Si tu veux, tu peux me passer ta maman. Moi, je vais pas lui parler, j'ai rien à voir avec lui. Si, tiens, parle-lui, mon cœur. Non, d'accord, j'ai pas envie de lui parler. Non, mais ça va pas la tête, non. Allô? Oui, bonsoir, allô. Monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Excusez mon français. Ben oui. Bonsoir, ici Igor. Bonsoir, Igor. Et spasiba. Pour l'hébergement. Non, c'est pas possible, pas du tout. Da, très bien. Merci beaucoup. Arrive-nous dans... C'est pas la peine, mais arrive-nous dans combien de temps, Estelle? Rien du tout. Dans 10 minutes. Arrive-nous dans 10 minutes. Tu vas chez ta tiflo si tu veux, mais tu viens pas à la maison. 10 minutes. Père, non, mais t'es pas bien dans ta tête. Allô, madame? Oui. Arrive-nous dans 10 minutes. Bah même pas possible, minutes, jamais, possible faire manger pour moi. Bah rien du tout, et puis quoi encore? Un petit peu. Je vous installe dans le canapé, que je vous serve. Da. Non, très bien. Moi, venir de Ukraine, à Kiev. Bah, c'est bien, bah, retourne-y en Ukraine. Beaucoup de guerres. Les mitraillettes. Et moi, devoir partir. Moi, devoir partir vers France, pays de l'accueil. Oui, bah pays de l'accueil, un peu trop accueillante, je trouve. Qu'est-ce que toi faire manger pour moi? Préférence spécialité ukrainienne. S'il vous plaît. Da. De préférence spécialité ukrainienne. Moi pas manger votre. Dans votre pays, vous moi pas manger choucroute. Mais choucroute en Ukraine. Non, moi pas manger sous choucroute. Moi préfère manger spécialité de chez moi. Eh ben retourne-y, tu mangeras. Je peux pas trop de mitraillettes. Bah oui, je sais bien, c'est malheureux, ça va pas. Mais tant pis, moi. Alors, moi, venir. Alors, nous arrive dans 10 minutes. Eh ben, dans 10 minutes, il y aura des mitraillettes aussi devant la porte. Voilà. Bon, je peux repasser, vous pouvez repasser ma fille, s'il vous plaît. Привет. Спасибо. Да, привет, Алёшкой. Estelle. Toi, parles ou pas un petit peu le russe? Non, je parle pas le russe, je parle français. Ah. Nous arrive dans 10 minutes. Non, je viendrai pas dans 10 minutes, c'est pas la peine d'assister comme ça. Passez-moi Estelle, s'il vous plaît. Nous arrive dans 10 minutes, possible de dormir. Vas-y, continue à parler, t'as raison. Mais dormir moi avec Estelle, pas problème oui, pour faire sûr, le canapé. Bien sûr, bah oui. Moi dormir avec Estelle ou avec toi, ne dors pas seul. Ah ben, vous dormirez seul, Estelle elle rentre à la maison. Ah non, vous, vous moi pas dehors. Dormir au sol, dormir pas seul. Dormir avec vous seul, ou avec petite. Oui, bien sûr, c'est cela. Spasiba. Passez-moi Estelle, s'il vous plaît. Si, nous arrive vous dans 10 minutes. Passez-moi Estelle, s'il vous plaît. Si, moi c'est Igor. Oui, Igor, passez-moi Estelle. Ça au moins on peut comprendre, Estelle. Da. Ah, quand ouais. Même. Donc, de toute façon, dans tous les cas, t'as rien à dire. De toute façon, dans tous les cas, moi j'ai rien à dire. Attends, je suis chez moi. Ta maman, t'as 19 ans, tu vis encore à la maison. Ta maman, d'accord pour moi venir chez toi. Oui, elle est d'accord. Parce que elle est d'accord. Je vais faire bouffer. Bon. Ta maman, d'accord pour moi venir chez toi. Il y a ton père. Toi. Non, mais t'as vu ça où toi, ramener quelqu'un comme ça. En plus, 42 ans, il y a l'âge de ton père. Non, mais t'as moi, vu ça. Moi, rester à la maison seulement 3 mois après partir. Oui, c'est bon. Moi, 3 mois seulement. Quoi? Il reste 3 mois, mais je m'en fous. Il reste 3 mois en France, il veut, mais pas chez moi. Bah, tu l'as vu jouer où ça? Mais dans tous les cas, on va se marier. Je vais lui faire ses papiers et je vivrai avec lui. Bah, tu vas vivre ailleurs, hein, ma fille, tu veux quoi? Bah voyons, 42 piges. Et puis, tu t'as qu'à aller te mettre à l'hôtel, t'as eu payer bah, l'hôtel, mais moi, il n'y a pas question qu'il y aura la maison. Mais oui, mais dans tous les cas, il vient à la maison, t'as rien à dire. Moi, arriver, moi choisir musique. Moi, je suis chez moi. Hein. Ton père est là, il y a est-ce non, mais que tu peux pas rentrer quelqu'un chez moi comme ça que je connais Estelle, pas. Non mais t'as vu ça où? Estelle, moi parler papa. Bah, ouais, sûrement papa. Pas. Ah bah alors là. Si, allô. Bah tu fais ce que tu veux de toute façon Estelle. Allô, Igor, ah, Igor à l'appareil. Je le veux pas. Igor à l'appareil. Ouais. Oh Igor il me saoule. Est-ce que moi pouvoir parler papa? Bonne soirée. Allô. Bonne soirée. Est-ce que moi pouvoir parler papa? Non, pas parler papa. Si, moi voudrais parler homme, vrai homme, pas petite femme. Vrai homme, parce que c'est un homme que je suis une femme, que je parle pas comme lui, non mais si, ça va où? Homme mieux, femme petit, femme cuisine. Vous connaissez? Femme la cuisine. Chez moi, c'est aussi bien les hommes que les femmes. Non, ça pas existe. Désolé. Vous passez-moi papa. Non, je passe pas le papa, j'ai pas si, envie. Si, passez-moi le papa. Je fais encore ce que je veux. Moi, parler avec papa. Moi, je vous dis bonne soirée, amusez-vous bien. Allô, si, moi arrive dans 10 minutes. Eh ben, vous serez dehors dans 10 minutes. Et Estelle. Oui. Estelle, moi vouloir parler papa. Maman, bah, c'est papa. Non, papa, il est occupé. Ah, il fait voilà. Quoi? Donc, moi, je te dis bonne soirée. Occupe-toi bien d'Igor. Mais en tout cas, il rentrera pas à la maison. Bonne soirée. T'inquiète, pas ça. Dans tous les cas, j'ai les clés, donc je m'en fous. Hein. Mais il y a ma clé dans la porte, tu rentreras pas. Bonne nuit. Mais on parie? Moi, forcez porte. Méthode KGB. Au revoir. Bonne soirée, amusez-vous bien. Et je te préviens, s'il est devant la porte, c'est même plus la peine que tu rentres à la maison. Bon, je vous laisse. Bonne soirée. Igor, Niette. Oui. Ah merde, elle est partie. Bravo Estelle, bravo. Pas mal, t'as bien joué. Bon, écoute, on le rappelle, tu lui dis que j'ai été très très très bon et très gentil, que je veux bien qu'elle choisisse le prénom de l'enfant. D'accord. Allez hop, on rappelle. Moi tenir bon rôle. Bon, je sais pas si je fais très très ukrainien. Hein. Ah, parfait. Ouais, c'est un moment. Tu revues encore. Ouais, essaye de te demander. En fait, je suis aussi enceinte. Tu peux choisir le prénom des gosses? Non, mais ça va pas la tête. Non, mais t'as décidé de me pourrir la vie ou quoi? Bah, je te pourris pas la vie, c'est bon. Non, mais fils de d'enculé. Voilà, fils de putain même. Comment? Bah, et en plus, il est aussi vulgaire que ça. Pourtant, il parle pas français, mais il arrive à dire des activités. Non, mais ça va pas la tête. Non, mais t'es vraiment frappadingue. Bah, je me branle sur le cul de ta mère, d'accord? Mais non, mais en plus, t'as vu les vulgarités qui sortent. Mais tu me ramènes pas ça à la maison. Je veux même pas en entendre parler. Eh, tu vas fermer ta grande gueule. Mais c'est pas possible, c'est une blague, ça, Estelle. Bah non, pas du tout. Bah, moi, je crois que c'est une blague. Hein. Attends, tu vas pas me faire... Non, mais ça va pas la tête. Mais vas-y, choisis les noms des gosses, là. Ouais, choisis les noms. Mais puis quoi encore? T'es pas bien. T'es non, vraiment pas bien. Non mais t'es pas bien. Il y a de la musique qui est tout bougé tout là. Bah ouais, dans une voiture là d'ailleurs. Et en fait, t'es pas tout seul, hein, on est deux. Non mais c'est... T'as ramené la famille ou quoi? Il a ramené la famille. Bah ah oui, toute la famille est là, maman. Hein. Toute la... On va débarquer là, on arrive. Non. Ah si, si, on arrive. Et alors, si en plus la mère a les mêmes mensurations que la fille, Toff il prend aussi. Hein. Bien sûr, avec plaisir. Ah bah d'ailleurs. Allô, Dolores. Oui. Combien mesures-tu, Dolores? Maman. Oui, quoi? Combien mesures-tu, Dolores? Combien je mesure? Oui. 1m59. Combien pèses-tu, Dolores? Oh, allez, on va dire 70. Ah oui, quand même. Quel est ton tour de poitrine? Bah merci quand même, j'ai quand même 3 enfants. Hein. C'est bien, Dolores, c'est bien, mais c'est pas ce que je te demande. Alors, quel est ton tour de poitrine? Bon, on va dire 100. Ah oui, quand même. Et la petite tête qui va derrière? Si Estelle a déjà du D, on doit être dans le E, là, non? Voilà. Et donc, la taille du dernier pantalon que Dolores a acheté? Un 42. Ah, Estelle est mieux. Hein. Ouais, Estelle est mieux. Moi, je reste sur la fille. Bon, vraiment, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Ouais. Bon. Blague. Non, bah, en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris la température. On a pris la température pour voir comment est-ce que vous alliez vivre le fait qu'elle débarque avec un Ukrainien. Et quand ça nous arrive, ça c'est tout drôle. Bon, et nous, on peut venir ou pas, maman? Non. Oh, bah, d'accord. Bah, dis donc, alors là. Mais bah, nous, ça... on va pas rester. On a de l'argent. Hein. On a même. On vient juste manger. Bon, allez maman, bonne soirée hein. Merci à vous. Salut. Bisous. Ciao. Bon, bisous. Estelle, alors toi tu peux repartir. T'es là Estelle? Ouais. Bon, très bien. Alors, on a soit les casques Beats by Dre, soit les trottinettes qui déchirent. Je vais prendre le casque. D'accord. OK, pas de problème. Mais bon, on va te filer ça sans problème. Salut Estelle, gros bisous. Salut, bisous. Et si vous aussi vous voulez faire un petit canular, hein, bah on remet le couvert la semaine prochaine. Le prince qui dit excellent canular, merci pour ce très bon moment de radio. De rien, écoute, j'ai essayé. Alors il y a Tom également qui dit Das c'est en allemand. Non, en allemand c'est Ya. C'est pas Das, ouais. C'est Ya. Pauline qui dit mission à la maison entre Grenoble et Chambéry, juste parfait. Ah bah grave, on cherche quelqu'un qui peut nous. Enfin pas nous, même pas nous héberger, mais qui nous laisserait faire son l'émission de radio qu'on fait le dimanche soir, le 16 mars. C'est ça un hein, dimanche 16 mars. 14, 15, 16. 16 mars, donc chez lui à la maison. Donc voilà, donc chez lui ou chez elle, évidemment, dans le salon, la chambre, on n'est pas dans le détail. Marine qui dit, mais il a ramené la famille mort de rire. Frappe pas dingue, ça existe encore, ces gens qui disent ça. Bah, apparemment, oui. Christophe qui dit, choisir le nom des gosses, je suis enceinte. Et Kikas qui dit, allez les gars, remettez-moi la musique d'anniversaire, c'est mon anniversaire, les gars. Ouais, c'est l'anniversaire de Sandro également, là maintenant. Bien vieille. Bien vieille. Il fait 37 ans. Non, arrête, t'abuse pas. 37 années. Anniversaire. Voilà, comme ça, c'est pour toi aussi, Kikas. Allez, pour la peine, je paye ma gaufre. Voilà. Fort. Bah attends, on n'a pas une bougie qui traîne dans le studio là, dans le bureau. J'ai une grosse bougie là, si vous voulez. Et il faut souffler dessus ou pas, non? Ah bah tu peux même la sucer. Tiens, bon bah bon anniversaire à Sandro. Bah merci, c'est voilà, gentil. Vous pouvez l'appeler, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Pour lui souhaiter bon anniversaire, ça lui fera plaisir. Et vous raccrochez après, hein, vous avez pas besoin de lui parler, vous faites juste bon anniversaire et vous raccrochez. Ah ouais, voilà, n'hésitez pas. Il y a Laurine bon, qui dit. Décroche, hein. Ouais. Je pleure de rire pour Laurine. Il y a également Polo est une pourriture, c'est vrai. Et Andreas qui dit 4 ans que je suis célibataire pour ma part. Et Darkley 56. Moi j'ai la phobie de la panne de courant et d'internet. Ouais, je comprends, c'est difficile hein, de se dire qu'on n'a plus accès à internet. Et Lisa qui dit moi j'ai la phobie de poissons, des araignées, des policiers. Et le canular c'était top avec Igor. Et Serge également qui dit excellent le canular de ce soir. Bon bah c'est cool, tant mieux si ça vous a plu. On va dans quelques minutes appeler le mec qui voulait porter plein de comptes hier. Ah bah oui évidemment hein, parce qu'on s'était promis. Bah c'est ça, donc du coup bah forcément nous on va appeler. Évidemment vous nous connaissez. Et on va également se faire du son. Si vous avez envie d'écouter un son en particulier, bah demandez, il n'y a pas de problème. Hashtag et Mickaël sur le Twitter. 23h, 2h. Mickaël nos limites sur Fun Radio. Et puis on va donner la réponse également à la colle de Fabio dans quelques minutes. On va récupérer Christine, Solène et Elodie pour parler des phobies. Florent également. Et puis vous toutes et vous tous en direct. Minuit 40 sur Fun Radio. C'est la nuit sans pub. On se fait péter le nouveau son de Major Lazer et Shana Paul. Maintenant, c'est Come to Me sur Fun. Bonne nuit. Come on to me. il est énorme le nouveau son de Machin Laser et Shanna Paul. C'était Come to Me sur Fun. Pour bien comprendre, Mickaël No Limit, c'est. Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi. Bah, moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon on va la barder. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est toujours en direct, évidemment, minuit 43. Il y a DJ Sporama aussi. Fun Radio, la meilleure radio, la meilleure émission de l'année et de tous les temps. Je suis bouillant là. Bon, c'est gentil à toi. Nicolas, une petite dédicace à ma petite soeur et ma petite femme. C'est Lolo et Mimi. Merci, nouvel auditeur et pour longtemps. Bah, j'espère, Nico. Merci et bienvenue à toi surtout. Mystique également, joyeux anniversaire à notre Sandro International. Gros bisous à toi, on t'aime. Continue à l'appeler, hein, évidemment. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Le prince Nézé qui souhaite le joyeux anniversaire aussi. Denis, pareil. Orgagasmi qui dit moi, ma phobie, ce sont les escargots. Tu m'en fous un devant moi, je pars en crise d'hystérie. Comment tu peux avoir peur d'un escargot? Bah, je sais pas. Et Sophie qui dit bonsoir à tous et à toutes, je mérite un fucking ouf coup de pelle. J'étais pas là hier. Bravo. Là aussi, t'as raté une émission qui déchirait hier. Là, ah là là. Bon, on va faire les appels de teuf dans quelques minutes, mais avant ça, il y a la réponse à la colle. C'est parti maintenant. Fabio est avec nous, Fabio de Seine-Maritime. Oui, je suis là. Très bien, on va donc appeler maintenant quelqu'un qui a donné la bonne réponse sur le Facebook ou sur les SMS tout simplement. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et répond correctement à la question que tu vas lui poser, elle gagne le casque Beats by Dre et donc fatalement tu le perds. Si personne ne décroche, c'est toi qui gagne, Fabio, ok? D'accord. Allez, c'est parti, on y va. T'as de la chance, on est à la bourre, comme d'habitude, tu me diras. Puisque plus on appelle tard, moins il y a de chances que la personne qu'on appelle décroche. Ce qui est logique. C'était ma bonne chance. Eh ben, je te le souhaite. Voilà, on y va, c'est parti. Allez. Ah, je dis d'accord. Attends, Fabio, faut que d'abord que... Oui, allô. Oui, allô, bonjour, comment tu t'appelles? Olivier, c'est Mickaël. Salut Olivier, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Il y a notre ami Fabio qui a une collette posée pour que tu puisses repartir peut-être avec un casque Beats by Dre. Ok. Vas-y Fab. Quel poisson n'a jamais d'anniversaire? Ah ben je pense que c'est le poisson pané. Oui c'est ça. Non mais t'es sérieux? J'adore. C'est quoi cette colle de merde Fabio là? Le poisson pané? Ah ouais non, oui. Moi j'aime bien. Oh là là. Ouais bon, ouais nickel. T'as encore un fœtus. Bah ouais. Bon bah bravo Olivier hein. Merci beaucoup. Eh ben bien fait Fabio là avec une question pareille, voyons. Bon, enfin bah écoute, c'est perdu Fabio malheureusement. Le casque Beats by Dre ira donc chez Olivier. Eh ben écoute, merci Olivier d'avoir participé, tu reviens quand tu veux. Ouais, merci beaucoup, passez une bonne soirée, amusez-vous bien. Salut, merci, t'inquiète pas pour nous, va. Salut Fabio. Salut, est-ce que je peux avoir un pack fun s'il vous plaît? Ouais bon allez d'accord, ok, t'auras ça au moins. D'accord, merci. Pas de problème, je t'en prie. Salut Fab, à bientôt, merci d'avoir écouté Fun, à bientôt. Salut. Ciao, on aura Florent aussi dans quelques minutes. Bon, et avant de prendre tout le monde et parler des phobies encore avec Christine, Solène et Elodie comme promis, on va donc appeler notre ami d'hier. Ah, il a mérité. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'était dans les appels de Toff, on était tombé sur quelqu'un de relativement sympathique. Hein. De très gentil. Très gentil, très agréable, très courtois. Qui baisait ma mère, ma sœur. Voilà, qui baisait tout le monde. Et donc il avait dit hier, rappelez-moi demain. Donc, Non, il a dit je vais au commissariat, je lui dis, je vais vous rappeler pour être sûr que vous avez bien été. Il m'a dit d'accord. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Donc on va le rappeler maintenant, c'est parti. Bah oui, allez, on va vérifier s'il est allé. Bah j'espère qu'il dort pas sur toi. Minuit 46, ça va bien le vénère, je pense. On verra. Oui, bonsoir monsieur. Encore toi? Bah oui, on s'était dit qu'on allait se rappeler aujourd'hui. Non mais tu sais ce que je t'ai dit? Bah oui. Et alors vous y êtes allé? Mais j'ai que ça à foutre peut-être. Ah bah je sais pas, vous m'aviez promis d'aller au commissariat, vous allez venir me chercher, tout ça, vous aviez roulé des mécaniques. Mais oui, enfin je pensais que t'allais être plus intelligent pour ne pas rappeler quoi. Bah non, je vous avais promis de vous rappeler, je vous rappelle monsieur, enfin. Non mais sérieux. Mais t'as que ça à foutre en fait. Bah oui, attendez, on s'était promis de se rappeler monsieur. Mais oui, mais moi je comptais pas que tu me rappelles là. Ah bah oui, bah là maintenant je vous ai rappelé. Donc en fait vous m'avez menti, vous m'avez raconté des trucs, mais en fait vous l'avez pas fait. Vous avez pas de parole quoi. Ouais, enfin bon, moi je fais pas chier les gens à n'importe quelle heure et pour rien en plus. Oui, d'ailleurs aujourd'hui je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà trompé votre femme? Mais ça t'arrive d'arrêter là, enfin je sais pas. Attendez monsieur, on a dit qu'on se rappelait, je vous rappelle, je vous pose la question d'aujourd'hui. Hier c'était une autre, aujourd'hui c'est celle-là. Mais sérieux, tu me fais tellement pitié que j'ai envie de te lécher le cul jusqu'à temps de mériter la langue, sérieux. Ah oui quand même, c'est sympa ça monsieur. Et vous voulez qu'on fasse ça quand? Non mais, Et en fait, t'as toujours le mot pour faire chier, toi. Bah, non, monsieur, je veux pas vous faire chier, mais c'est vous qui me promettez des trucs, et après, vous vous rétractez, c'est, ça se fait pas. Ouais, tu vas te prendre une bite de noir, toi, un jour. Bah, moi, ça m'exciterait, mais après, bon, c'est mon kiff, quoi. Vas-y, il faut que tu me files tes coordonnées, là, je vais te mettre une bite dans le cul, tu vas voir, mon gars, tu vas rien comprendre. Bah, je vous ai déjà donné mon numéro hier, mais je peux vous le redonner, donc je suis... Bah, donne ton adresse. D'accord, alors je suis 20... Ouais. Rue Bayard, ça s'écrit B-A-Y-A-R-D. Ouais. Et c'est à Paris. Ok. Voilà, hein. Je vous attends pour quelle heure? Tu verras. Bon, bah si tu vous... sentiras même pas passer, tu vas voir. D'accord, bah écoutez, si on s'est pas vu, je vous rappelle lundi, hein. Tu vas avoir un trou, on va croire que c'est un Vésuve, mon gars. D'accord, et bah écoutez, j'attends l'éruption. Ouais, c'est ça. Allez, bonne soirée, monsieur, hein, à lundi. Ouais, pauvre type. Il a signé Paris hier, hein. Pauvre tep. Bon, on appelle un autre vite fait alors du coup, hein. Bah vite fait, mais bah, on le rappellera lundi, hein. Ouais, bah on le rappellera lundi, évidemment, comptez sur nous. Attends, on l'a fait aujourd'hui. Encore des belles promesses, bah, il va pas venir. Comme d'habitude. Allez, c'est parti, on en appelle un autre du coup, comme ça on aura trop aujourd'hui. Comme d'habitude aussi. Et puis promis, c'est Christine, Solène et Elodie. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir combien de fois vous avez trompé votre femme depuis que vous êtes avec elle. Mais qu'est-ce que ça vous regarde en quoi? Bah, ça me regarde pas, monsieur, mais comme les Français sont numéro un au monde au niveau de l'adultère, je me dis que peut-être vous avez déjà trompé votre femme une ou deux fois. Au moins. Je suis pas français, je suis portugais. D'accord. Et... Non, tu vas te faire enculer, petit con. Bah, enfin, monsieur, pas de ça entre nous. Ah, ok. Ah, oh, je m'attendais une petite insulte en portugais, moi. Bon, on va le rappeler, attends. J'espère qu'au deuxième appel, il y en aura une. Allez, petite insulte en portugais, histoire de bien dormir. Hello. Oui, excusez-moi, monsieur, mais on a été coupé. J'ai rien à foutre, de te faire enculer, petit con. Mais dites pas ça, monsieur, enfin, pourquoi vous me dites ça? Va niquer ta mère. Mais, non, je veux juste savoir si vous avez déjà trompé votre femme, monsieur, c'est tout. Allez, merde, bon... Le téglexon de Marseille, je suis portugais. Ta mère. Bon, on le rappelle. Allez, hop là. On va pas trop en faire non plus, ok? Si je vais être forcé d'écouter ce gars-là une fois de plus, je prêterai encore les messieurs sous le premier train de souffrir autant. Et tu pourrais une bonne fois nous dire qu'il est à poil ou à bâtard. Très sympa. Mais je crois que le mec a regardé des films sympas. Ouais, il est bizarre. Mais j'ai bien aimé la réplique quand même. Oui, mais on appellera d'autres tout à l'heure. Hein. Si vous avez des numéros de téléphone à donner à Tof, n'hésitez pas, toph@funradio.fr, comme d'habitude. Elodie avec nous d'Aubervilliers dans le 93. Salut, Elo. Salut, Mickaël. Comment ça va? Ça va. Bon, très bien. Alors, Elodie, toi, tu nous appelles par rapport aux phobies. Ouais. Bon, alors, vas-y, je t'écoute. Moi, j'ai la phobie des yeux bleus. La phobie de quoi? Des yeux bleus. Des yeux bleus? Comment ça? Ben, je sais pas, j'avais une prof qui avait des yeux bleus. Et à chaque fois qu'elle me regardait, bah, je tombais dans les pommes. Non, mais t'es sérieuse? Ouais. Mais et, c'est-à-dire, n'importe qui que tu croises avec des yeux bleus, c'est tu tombes dans les pommes. Et bah Tof, voilà. Tu vas avoir un double, tu vas avoir une crise cardiaque et tu vas tomber dans les pommes parce que... C'est seulement si elle arrive à se concentrer sur les yeux tout de suite qu'elle peut s'en sortir, quoi. Sinon, ouais. Ça va être trop dur pour toi, quoi. Ouais. Et donc, d'accord, ok. Donc personne n'a des yeux bleus dans la famille, rassure-moi. Non. Bon, ben bah, voilà, rassuré, effectivement. Bon, bah très bien. T'imagines sa mère, elle a les yeux bleus tous les matins, elle tombe dans les pommes. Grave. T'imagines. Je vais manger. Il y a Solène également qui est avec nous, la bouche pas Elodie. Hein. Solène de Toul, dans Meurthe et Moselle. Salut Solène. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, je suis au boulot. Bon, bah très bien. Tu fais quoi dans la vie, toi? Je suis agent de sécurité. Ah oui, on t'avait déjà eu, toi. T'as déjà eu une relation avec quelqu'un au travail, toi? Non. Jamais? Jamais. Parce qu'en Australie, on a vu ça tout à l'heure, l'Australie vient interdire de coucher avec les collègues au travail. No job in job. De toute manière, moi, ça peut pas arriver, je suis toute seule. Hein. Bah oui, mais tu peux ramener des mecs. Ouais, c'est dans, ça. Dans ton truc avec toutes les télés, là. Non, je suis fidèle. Ah oui, mais après, c'est autre chose, ça. Tu peux ramener ton mec. Ouais. Bon, après, cela dit, si vous êtes en Australie ou si vous écoutez d'Australie, parce qu'on a déjà eu 2-3 auditeurs qui nous écoutaient là-bas, donc si vous avez quand même envie d'une relation avec quelqu'un de votre boîte, il faut simplement prévenir le supérieur. Ah d'accord. Voilà, c'est donc vous dites machin. Bon, imaginons que j'en sais rien moi. Tov veut baiser quelqu'un de la radio, il doit aller voir le sous-chef ou le sous-chef ou même Jérôme, hein, son Altesse, lui dire voilà, je compte baiser telle personne. Oui, mais c'est normal. S'il valide ou pas, d'accord. C'est sain, tu vois, ouais. tu dois prévenir que les autorités compétentes que voilà, tu couches les autorités avec quelqu'un de la radio. Ouais. Et comme ça après je pourrais lui demander s'il me prête son bureau, son canapé pour. Voilà, par exemple. Pour consommer. Donc, ouais. Donc venez nous raconter si vous avez déjà fait l'amour sur vos lieux de travail ou même au bahut et quels étaient les endroits que vous avez kiffé le plus. Bon, du coup je te pose pas la question. Que tu ne l'as pas fait, Solène? Oui. Jamais. Bon, d'accord, ok. Bon, Solène, alors, toi, tu nous appelais pour les phobies. C'est quoi ta phobie? L'orage. L'orage? Ah oui, bah oui, c'est classique, ça. C'est classique. T'as peur de quoi? T'as peur de te ramasser l'orage en pleine gueule? Non, même pas quand j'entends l'orage. Dès que j'entends... je me cache sous la couette. Et je bouge plus. Genre ça, quoi. Ça va, t'es sous la couette là ou pas? Bah non, je suis au boulot, je suis dans une voiture. Ah oui, merde. Et comment tu fais du coup avec le bruit de l'orage là? T'es pas en panique? Bah pour l'instant, j'ai pas encore eu d'orage. Bah là, t'entends pas là? Bah si, mais ça va, ça me fait... Quand j'entends, ça va, quand c'est à la radio ou à la télé, c'est moins... Ça me fait rien. D'accord, ok, putain. Il moi, faut que tu le vives en vrai. Ouais, moi j'étais parti en vacances un jour, il y avait eu un... putain d'orage de ouf, c'était d'une violence, c'est-à-dire que, bon j'ai pas peur des orages, hein, mais là tu les voyais, ça tombait mec, tu te dis putain il y en a qui va me tomber sur la gueule, ça va pas très bien. Ouais, quand tu vas encore c'est le pire aussi. Hein. Va dans les Caraïbes, tu vas voir ce que c'est qu'un vrai orage. Ouais, là c'était au Costa Rica pour le coup, oh, une violence, mais un truc de ouf. Bah après ouais voilà, c'est, on sait qu'il y a des endroits comme ça où il y en a plus... plus ailleurs, mais c'est clair que quand tu vas dans les Caraïbes, peu importe l'endroit, il y a plein d'îles, tu vas n'importe où, t'as la saison des pluies, bah même quand c'est la saison sèche, t'as toujours un moment ou un autre des orages, mais d'une violence, tu vois le truc noir arriver, tu te dis ok, c'est bon, je vais me planquer, et puis pas, ça te tombe sur la gueule, et bah t'étais pas prévenu en fait, ça te tombe vraiment sur la gueule comme ça tout court. Donc ne va pas là-bas, Solène, hein, c'est mieux non, pour ce que pas, tu es. C'est bon. Mieux, c'est mieux. Non. Christine est également avec nous d'Arcachon, salut Christine. Mais c'est Christine, c'est la bourrasse? Christine. Oui, je crois, ouais. Je crois qu'on est dans Christine. Dans son bar. Oh putain. Christine. Non, là, elle s'est étouffée. Christine. Oui. Ah, parfait. Oui. Bon, Christine. On va revenir après. Oui. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. 23h, 2h. Nos limites. Allez vous faire foutre. Sur Fun Radio. Non, mais il faut que je me repose. Sachant qu'il va y avoir Christine, il faut que je me. Ça va être dur. Faut que je me repose. Tu sais, je vais même aller pisser, je crois. Ouais, courage, Mickaël. Ouais, courage. Je pense qu'il y a un moment, faut y aller, effectivement. Ouais. Allez, Britney Spears, c'est Till It's Gone maintenant sur Fun. I'm blind from the tears that fall like rain. Sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, en direct sur Fun Radio. Il est 1h du mat. Là, il y a Marie qui dit moi, c'est une phobie bizarre, mais c'est les prises de sang. Ah ouais, c'est marrant ça. Mm. L'apérophobie pour Greg, j'ai peur de l'apéro. Oh bah, peur de rater l'apéro. Ouais, on a les mêmes alors, Greg. Stéphanie qui dit moi, j'ai la phobie des cimetières et des enterrements. Bah oui, c'est jamais gay ça. Johan sur l'application Mickaël, nos limites, qui dit j'ai la phobie des cheveux. Des chevaux, pardon. Pourtant, je suis un homme d'attaque dans le sport canin, c'est bizarre. Et un mec qui dit mort de rire, il était... il a pas été au commissariat le salaud. Ah oui, c'est par rapport à l'appel de Toff. Bah non, il a pas été là. Manon qui dit quand Toff fait une promesse, il la tient. La politesse incarnée de ce Toff, tu parles. Et Drakit aussi qui dit j'ai que ça à foutre. Bah ta gueule, tu vois... c'est quoi ? Ta gueule, tu vois, tu vas pas aller voir les flics, t'es nul. Ouais, c'est clair. Et Léa également sur le Twitter, avoir peur des escargots, mort de rire. Oui, ça c'est sûr. Marie qui dit, c'est une phobie bizarre, mais des prises de sang, effectivement. Bah effectivement, on est d'accord là-dessus. Bon, on va revenir dans quelques minutes avec le son de Klingan. On aura aussi, qu'est-ce qu'on va se mettre aussi ? Bah Ricard Borès, tiens. Get ready for this. Avec Get Ready, bien sûr, et puis le Daft Punk, on en a parlé au début de l'émission. Non, Daft Punk, pardon, avec Instant Cruche. Voilà, c'est ce qui arrive dans un instant sur Fun Radio. 1h du mat, on est au cœur de la nuit, sans pub. Et on vous demandait si vous aviez déjà eu des relations au travail, puisqu'en Australie, il est désormais interdit d'avoir des relations au travail. Sauf si vous demandez à votre supérieur s'il est d'accord. À et ce ça, moment-là, et d'accord. Ça, c'est bien. Voilà, je vous demandais donc si vous aviez déjà fait l'amour sur votre lieu de travail ou au bahut, comment ça s'est passé, quel était le meilleur endroit. Et bah venez nous en parler et appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Retour avec... Solène, avec Elodie, avec Christine également. Christine! Ah, oh, putain. Christine! Oui! Oh là là! Salut, aujourd'hui. Ah, je suis content de t'entendre. Ah bah ouf. Oui, non, désolé parce que j'avais la radio en même temps. Ah, il faut couper hein, les deux hein. Oui, bon, les phobies. Oui, alors qu'est-ce que t'as comme phobie, toi? Moi, j'en ai, mais quand t'appelles. Non, c'est pour rire, c'est pour rire. C'est la bouteille vide. Voilà. Non. Ah, putain, j'ai un serpent, là. Tu as un serpent? Faut que j'appelle les pompiers. Non, non, arrête. Oh là là. Elle est loin, elle est loin. Non, je suis là. Christine? Oui, Combien? De serpents? Non, de bouteilles. Bah, beaucoup, là. Bon, moi, je dirais 5 verres, au moins. Plus, elle a au moins dégommé une bouteille. Ça dépend de la taille du verre. C'est 4 bouteilles. 4 bouteilles? Ah, et ben, bah, nous voilà, voici l'explication. La phobie, Michael. Des verres vides. Et si, toi, Samy, un serpent, là. Elle parle... Michael. Ouais. Donc la phobie, moi c'est les serpents. Ouais. J'aime pas les serpents. Et les bouteilles vides. Et les bouteilles vides, oui. Je passe. Ouais, on sait bien. Sabi, je vous passe. Michael. Oh bah ils te sont pas obligés, hein. Ah, bonsoir Samy, on a toute la famille, comment ça va? Non, dans le téléphone, parce que dans le cul ça marche pas bien le téléphone. Plus haut. C'est un bonheur. Ah voilà. Tu parles un peu trop, mais c'est vraiment qu'un bonheur. Non, oh, merci Samy. Eh, Samy. Non, Samy. Oui. Elle a bu combien de verres? On passe une soirée tranquille, on a bu du champagne, voilà, on est en famille, tout simplement, on est tranquille à la maison. Eh ben tant mieux, faut en profiter, mais ne prenez pas le volant après, dormez là. Le bonheur de vous écouter, c'est vraiment de bonheur. Oh bah c'est gentil, Samy. Évidemment. On s'ennuie pas avec toi, je te promets qu'on s'ennuie pas. Ah non, bah avec vous, on a pas l'air de s'ennuyer non plus, hein. Ah bah tu sais, au bout de 3 bouteilles... Ouais. Ah bah c'est sûr, hein, ça c'est certain. On est trop bien. Non, loin de là. On apprécie la soirée, tout simplement, tu vois. Ouais, mais vous avez bien fait. Un petit jaune. C'est que de bonheur. Vous avez bien fait. Bah merci en tout cas, Samy et Christine. Hein. Bah merci à toi aussi. Donc franchement, continuez ce que vous faites. Donc, t'inquiète. C'est que de bonheur, quoi. Et santé. Et buvez un verre pour nous. Eh ouais, et santé à... Et santé à vous, voilà, très bien. Bon, bah Solène, Elodie. Oui. C'est pas facile, hein. Oui. Toi, t'as l'air d'être à jeun, Elodie, c'est mieux, hein. C'est mieux. Sobriété, c'est très bien. Bon, Elodie et Solène, je vous fais des gros bisous, les filles. Gros bisous. Et vous revenez quand vous voulez, je vous embrasse, à bientôt. D'accord, à bientôt. Salut. Ciao. Salut. Bon, alors, dans quelques minutes, on va également se faire le grand jeu pour vous offrir votre... La trottinette. Alors c'est vrai que ça fait un peu ringard comme ça quand on dit à premier abord, mais ce n'est pas une trottinette ringarde, c'est une trottinette qui déchire, vous allez pouvoir la voir. Elle a déchiré déjà pas mal de muscles de toffe. Oui, je... Voilà. J'ai des Roland, des JO qui remontent là. Exactement. Maintenant. Donc c'est offert avec whiteboxshop.fr. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site si vous voulez voir à quoi ça ressemble plus précisément. Même l'acheter si vous voulez. Hein. Et on vous en offre une maintenant. Alors ouais. Pour la gagner, c'est très simple. Il faut que vous nous appeliez maintenant 01 42 48 5000 pour la Belgique. 02 851 4x0. Vous êtes seul à l'antenne et vous choisissez un de nous quatre. J'ai dit que je jouerai pas tout à l'heure, mais je me suis dit que bon, allez. Si les auditeurs veulent, mais oui, on sait si bien. Jamais, hein, mais vous ne sentez pas obligé non plus. Hein. C'est un warrior, si vous voulez. Voilà, vous pouvez choisir entre Polo, Toff, Sandro ou moi. Il en faut deux. Vous devez en choisir deux, donc deux personnes. Et après, une fois que vous avez choisi ces deux personnes, vous devez encore choisir parmi ces deux laquelle des deux va être la plus rapide dans la course. Parce qu'on a mis plein d'obstacles dans le couloir, en trottinette, tout le bordel. Nouveau parcours de polo. Ouais, nouveau parcours de polo. Donc voilà, il faut bien miser. Celui qui mise bien évidemment repart avec la trottinette. Donc il en reste une. Gagnez-la maintenant. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Fabrice qui dit: quelles sont les études à faire pour devenir animateur radio? J'ai vraiment besoin de savoir si tu pouvais me répondre s'il te plaît. Bah après t'as des écoles de radio. Moi j'ai jamais fait d'école de radio. Voilà, il y a rien à faire. Bah il faut parler, il faut aimer ça. Il faut que ce soit une passion. Faut pas faire ça parce que strass paillettes tout le bordel. Non, parce que non, t'as pas toujours les strass et paillettes. Hein. Et t'as même rarement les strass et les paillettes. C'est très dur. Et voilà, non, il faut avoir ça dans le sang. Faut vraiment kiffer la radio pour le faire. C'est un métier comme ça que t'es obligé de. Enfin, t'es pas obligé, tu peux le faire sans kiffer, mais ça s'entend quoi. Ouais. Voilà, tu vois. Il n'y a pas de secret. Voilà, il faut bosser non-stop. Exactement. Puis après, il y en a qui aussi qui font de la radio uniquement pour s'en mettre plein les fouilles. Donc là, ouais, ça s'entend aussi. Ouais, ça s'entend. Voilà. Ouais. Ou alors, il y en a ceux qui s'en mettent plein les fouilles, mais qui font semblant de ne pas en mettre plein les fouilles pour faire style, mais ça s'entend encore plus. Voilà, c'est tous les trucs comme ça. Mais faut le faire, faut avoir la passion. Voilà. Léa qui dit sur le Twitter, moi j'ai la phobie des aiguilles, tu m'étonnes. Et Morgane, j'ai une phobie aussi des stylos qui font clic-clic. La tristesse de la phobie quand même. Et Sarah, je vous écoute et je m'en lasserai jamais. Mickaël, t'es génial, merci Sarah, gros bisous à toi, je t'embrasse. Retour avec, enfin retournons, mais on va prendre Amandine qui est avec nous maintenant de Paris, 23 ans. Bonsoir Amandine. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, très bien, bienvenue à toi Amandine. Alors, 23 ans, tu fais quoi dans la vie toi? Je suis sommelier. Tu es? Sommelier. Sommelier? Oui. Oh, c'est bon ça, dis donc, ouais. Où ça? Aux États-Unis. Ah ouais, bien Amandine. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et qu'est-ce que tu fais à Paris? T'es en vacances ou tu fais quoi? Je suis en vacances. Non, et t'habites où aux États-Unis? Je suis basée à Orlando. Ah c'est bien ça, en Floride. Là où il y a tous les parcs d'attractions. Là où il y a tous les parcs d'attractions, effectivement. Et tu te mets bien pour la compagnie des parcs d'attractions. En plus. Ah ouais, donc toi tu te mets vraiment bien quoi. Et donc tu goûtes du vin pour eux? Non mais on s'en fout, mais et en termes de et donc tu vis là-bas mais tu étais hébergé par eux? Je travaille sur un bateau. Ah, sur un bateau? Ah, ouais, mais Orlando, c'est au milieu, hein, tu fais comment? Oui, je travaille sur les bateaux de croisière Disney. Donc la compagnie est basée à Orlando. Non, putain, c'est le bateau que j'ai vu pendant mes vacances, un truc avec des énormes oreilles de Mickey. Le Disney Dream, je sais plus quoi. Putain, c'est, je l'ai vu en plus, Dream, je me suis... C'est le Fantasy. Ouais, avec plein d'écrans partout, tout le bordel, c'était la folie. Hein. Je l'ai vu passer, je me suis dit, putain, les gars là-dedans, ils doivent ça doit être la folie totale. Ouais. C'est la folie totale. Par contre, ceux qui font Mickey, Minnie, tous les personnages. Ah, bah quand ils sont dans les Caraïbes, ils doivent mal le vivre, hein, parce qu'en termes de chaleur, ça doit être la folie. C'est génial. Il y a l'acclimatisation partout dedans. Ouais, mais quand t'es sur le pont, il n'y a pas la clim. Hein. Oui, mais bon, ça dure pas longtemps, t'inquiète pas. Bah, c'est vrai. Parce que sinon, je me disais, on pourrait faire l'émission en direct du bateau, à l'occasion. Oui, mais là, pour l'instant, je suis en vacances. Donc non, mais après tes vacances, hein, t'inquiète pas, on va pas te. Ah, il n'y a aucun problème, mais c'est génial. Eh ben voilà, très bien. Parfait, Amandine. D'habitude, je m'accroche chez les gens. Bon, là, il n'y a pas à s'accrocher, donc je m'accrocherai sur le bateau. Écoute, on fera avec. On va se mettre bien. Mais par contre, tu demandais les relations au travail et comment se passaient les relations au travail. Oui, alors justement, est-ce que tu t'es déjà tapé Mickey? Ah non, je me suis pas tapé Mickey, non. Non, alors qui alors? Non, bah Mickey, il fait 1m30, donc c'est compliqué. Ouais, tu sais, après, tu t'arrêtes à des détails aussi. Hein. Oui, enfin bon, je suis 1m78, donc 1m30, c'est compliqué. Oui, mais tu t'arrêtes à des détails quand même. Bon. Complètement. Et donc, non, alors? Les relations au travail sont interdites. Ah bah j'imagine. Quoi, c'est-à-dire que vous restez 2 mois sur votre bateau, là? Et non, on ne reste pas. On n'a pas le droit d'être avec les personnes de nos services. C'est normal. Normal en même temps. C'est normal, mais bon. Non, c'est les gens qu'on voit le plus souvent, donc c'est les gens qu'on fréquente. Forcément, ouais. Mais ça veut dire que sur tout le temps que vous allez passer sur ce bateau, vous n'avez pas le droit de vous fourrer les uns les autres? Bah, faut se taper les autres. Ah, vous pouvez vous taper des clients? Non, les clients, c'est interdit. Ah, donc, donc vous pouvez vous taper des collègues, mais pas du même service? Voilà. Donc, toi, t'es dans le service vin, restauration, j'imagine, c'est ça? Voilà. Donc, tu peux te taper le mec qui nettoie la piscine ou le capitaine ou un truc comme ça? Bah, le capitaine, c'est compliqué, il a 69 ans, donc c'est un peu compliqué. Ouais, enfin, bon, en imaginant qu'il a encore le droit de conduire son bateau à cet âge-là? Bien sûr. Naviguer. Conduire. Ouais, non, mais parce qu'il y en a des plus jeunes qui les mettent dans les îles, quoi, les bateaux. Donc. Ouais, mais ça, après, c'est un autre problème. Ah bon, d'accord. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais après, la navigation, c'est un autre système. Ah bon? Et oui, c'est comment dire, enfin, je sais même pas si on va en parler, mais c'est tout automatique. Ah d'accord, ok, donc en fait il est là. D'accord, ok. Attends, parce qu'on s'écarte un peu du sujet, on parle des bateaux dans un instant, tu vas voir. Bon, donc du coup tu t'es tapé qui, quand et comment et où et pourquoi? Donc, moi, et avec je me qui suis tapé le premier officier de navigation. Ah oui, donc capitaine. D'accord. Explique-nous, tu t'es fait fourrer où? Eh ben, grande écoute, classe. On a des cabines, on a des ponts. Et pas dans les machines à vapeur. Les machines non, à vapeur, ils étaient dans le Titanic ou quoi? Mais non, mais parce qu'ils ont des trucs là à aube là. Non, mais là-bas. Par contre, on a le bridge qui est assez sympa. Enfin, nous on appelle ça le bridge, donc c'est le pont de navigation et c'est assez sympa. Ah, mais comment vous pouvez faire ça sur le pont de navigation? Enfin, je veux dire, il est censé quand même y avoir quelqu'un tout le temps. Eh ben, il y a quelqu'un tout le temps, mais bon, quand tu es avec la personne qui est là tout le temps, c'est quand même. Ah oui, plus ouais, suis-je bête? Putain, c'est pas mal ça. C'est-à-dire que pendant qu'il devait surveiller le bateau en train de naviguer, il était en train de te fourrer. Bon, on peut s'organiser. D'accord. Organisons. Oui, bah c'est ça, ouais, évidemment. Ouais. Non, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces bateaux, bon, en général, tout le monde couche avec tout le monde. Bah oui, forcément, après, vous êtes les uns avec les autres. Après, il faut faire des choix. Mais bon, il y a des positions qui sont mieux que d'autres. Ah bah j'imagine bien. Et donc c'était laquelle la meilleure? Ben, j'étais chef exécutif, c'était quand même pas trop mal. Ouais. Parce que c'était la grande cabine avec le room service, pas mal. Les privilèges et tout ce qu'elle a bien. Mais après, les officiers de navigation, ce qui est très bien, c'est qu'ils connaissent très bien le bateau et qu'ils connaissent très bien les endroits. Ouais, les recoins. Voilà. Oui, forcément. Ah, c'est ouais. Pas mal, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Il y a Stéphanie qui dit aussi, quand j'étais petite, je rêvais de travailler chez Disney en tant que princesse. Oui, j'assume. Mais les princesses chez Disney, faut le savoir, font très vilaines. De quoi tu dis? Les princesses ne font pas rêver. Ah bon, non, mais ça après. Ah, bah, ça, comment ça se fait? Bah écoute, c'est comme ça, aujourd'hui c'est autre chose. Hein. Ah oui, je sais pas. Enfin, quand tu mets un costume, quand tu mets du maquillage et tout ça, ça peut changer une personne. Ah oui, d'accord. Ah, oui. C'est ça, c'est clair, effectivement. Bah, et merci en tout cas, Amandine. Hein. Mais de rien. Eh bah, tu reviens quand tu veux, Amandine. Et quand on vient faire l'émission, là, tu nous appelles. Hein. Nous, on débarque, hein, pas de problème. Eh ben, je retourne aux États-Unis dans un mois et demi. Parfait. Eh ben, écoute, moi aussi. Bah, bon, je sais bien. Pas encore, mais on verra. Ça roule. Bon, bah, en tout cas, je te fais des gros bisous, Amandine. Et tu reviens sur Fun quand tu veux. À bientôt. Salut à toi, Amandine. On va prendre Pierre aussi, qui apparemment a déjà négocié au travail, hein, Pierre. Hein. Ah ouais. Ben, on va en parler dans quelques minutes. Tu restes là? Ouais, je reste là, ok. Allez, bouge pas. Tous les soirs, Fun Radio. 23h, 2h. Nos limites. Allez vous faire foutre. Nickel. Sur Fun Radio. Et on écoute le son de Klingon maintenant sur Fun Radio, il est 1h15 quasiment là. C'est Jubel au cœur de la nuit sans pub, c'est Mickaël de Limite, bienvenue. C'est Fun Radio à l'instant avec le son de Klingon, c'était Jubel sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, toujours en direct sur Fun Radio avec Maximilien qui dit je me suis tapé la fille de mon boss, c'est pas mal ça. Sophie qui dit mais si on est fou amoureux de sa collègue ou de son collègue, moi je tenterai, c'est dommage de passer à côté. Ouais, bah en même temps, t'as un taf après. Hein. Et Ariel qui dit il n'y a pas toujours les strass et les paillettes quand on bosse à la radio, parfois on se retrouve en face de toffe. C'est complètement ça, effectivement. Bon, on va se faire. Maintenant le grand jeu avant de récupérer Pierre, Salim, Flavien. Pourquoi il y a nouveau deux personnes? Il faut en choisir une des deux. Il n'y a qu'une seule personne qui joue. C'est Salim ou c'est Aurélie? Il faut prendre une des deux. Alors Salim, Aurélie. Ah ben bah, ça va être vite vu de toute façon. Il a quelqu'un qui répond. Allô. Oui. Oui. On va faire pile ou face. Je lance la vraie pièce. Normalement il n'y a qu'un seul auditeur puisqu'il faut choisir sur Toff ou sur l'un des deux en l'occurrence. Donc alors on fait un vrai pile ou face. Promis je ne mens pas. D'ailleurs Théo, viens ici. Il y a l'auditeur qui vient comme ça on verra que je mens pas. Hein. Salim, tu choisis pile ou face. Salim. Eh ben voilà, celui-là il a perdu. Hop, voilà. Bah Aurélie, du coup tu vas jouer. Bah voilà, merci Théo d'être passé quand même. Hein. Aurélie. Oui. Bon, on va jouer ensemble. Tu veux jouer avec qui de l'équipe? Alors, il y a Sandro, il y a Toff, il y a Polo et il y a moi. Bah toi, nickel. Mais tu dois en choisir deux, Aurélie. Et Toff. Et qui? Toff. Tu veux pas faire jouer Polo? Il a pas encore joué. Ah non, c'est la gendarmette là qui part. De quoi? C'est la petite gendarmette. J'ai pas compris. C'est la petite gendarmette. Ouais, je sais, mais alors si je puis me permettre de donner un conseil, Aurélie, on a fait les battles avec Toff toute la semaine, il a toujours perdu. Donc si je puis me permettre, c'est pas forcément le bon cheval, Aurélie, hein, mais après. Alors. De quoi? Sandro. Sandro? Ah bon, alors Sandro, alors allez, c'est parti, on y va pour son anniversaire en plus, elle va être contente. Allez hop, c'est parti, cool. Allez hop Sandro, au travail pendant que je m'équipe. On y va, c'est parti. Bon, et du coup, après, donc t'as choisi les deux, et qui tu penses qui va gagner? Parce que c'est là aussi maintenant qu'il faut voter, hein. Tu penses que c'est Sandro ou c'est moi? Donc ça, en fonction de ta réponse, c'est toi qui... On va voir qui gagne, quoi. Si tu votes pour Sandro et que c'est moi qui gagne, t'as perdu. Si tu votes pour Sandro et que c'est Sandro qui gagne, t'as gagné. Tu choisis qui? Toi. Tu me choisis moi? Oh, ouais. C'est gentil, dis donc. C'est gentil tout plein. Est-ce que tu m'as choisi uniquement parce que laisse-moi réfléchir, parce que j'ai gagné les deux dernières fois? Ouais. Non, d'accord, ok. J'ai gagné deux fois sur deux, donc forcément, évidemment, ça aide. Ok, très bien. Alors, je prends des nouvelles de Sandro, normalement, là, qui devrait être dans le couloir et habillé. Sandro? Ouais. Ah, n'entends pas encore. Très bien. Sandro! Quoi? Ah voilà, bah tu vois quand tu veux. Bon, très bien, donc Sandro qui est là, prête, habillée, magnifique. Elle a attends, elle est où la trottinette? Elle a la GoPro. Bah comment ça, elle est où la trottinette? Hein? Elle est là, elle est là. Ah mais j'ai même pas regardé le trajet. Non, non, il faut pas que tu regardes le trajet, c'est surprise. Bon, bonjour. Attention. Bon, je vais retourner, je vais suivre tout le monde. Tu m'entends, Aurélie? Oui, oui. Très bien, allez, on y va, c'est parti. Ça part d'où ? Retour. Oui, bah oui, elle découvre le parcours, elle l'a pas encore fait. Donc, retour dans le couloir de fin de radio. Hein. Oh putain, c'est quoi ce parcours d'enfoiré aujourd'hui là ? C'est quoi ce parcours de merde ? C'est quoi ce parcours de merde là ? Il y a des trucs partout là. Il y a des embuscades partout, il y a des chicanes dans tous les sens. Des obstacles. C'est que je sais pas faire de trottinette moi. Mais c'est facile, tu mets un pied dessus, t'avances. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, Aurélie. Aurélie, bon, tu peux encourager Sandro, c'est elle qui va démarrer maintenant. Je rappelle donc que si elle fait un score moins élevé que le mien, tu perds, puisque tu as voté pour moi, tu m'as choisi moi, c'est très gentil, j'ai déjà gagné deux fois, on va voir si j'arrive à gagner pendant une troisième fois. Donc on y va, on est dans les couloirs de fun, du côté de la prod, là où on fait les jingles, donc le couloir est relativement étroit et c'est encore en travaux. Donc elle va devoir dévaler tout le couloir, je sais pas pourquoi j'ai loqué maintenant, tout le couloir donc de Fun Radio, de la prod jusque devant les studios, jusque dans les bureaux où il y a la direction. Il y a un petit escalier quand même de 5 marches où il y a une, on va dire ça comme ça, une espèce de carton qui fait office de ligne droite, hein, enfin de plat, on va dire ça comme ça. On y va, attention, Sandro, t'es prête? Ouais. Arrête de gueuler, ça m'a tué les oreilles. Bon, on y va, 3, 2, 1, go, c'est parti, on y va. Il y a Polo qui évidemment. Eh oui, il y avait une marche. Attention, attention les chicanes. Attention, zigzag, zigzag, zigzag. Très bien. Ça, je peux pas. Mais si. Non, je l'ai fait à elle... pied. Oh, elle descend à pied, dis donc. Elle descend à pied sur les marches où il y avait 5 marches là. Bon, on continue. Allez, c'est parti. On est dans le couloir devant la direction, devant le sous-chef. Devant le sous-chef maintenant. Il y avait une petite calbucu. Ah, mais demi-tour. Voilà. Hop, elle revient. Passe pas par-dessus, hein, sinon tu vas te casser la gueule. Hop là, c'est parti pour la chicane, gauche droite. Allez, elle s'est pris un peu la chicane. Il faut remonter là maintenant, hein, monter l'escalier là. Mais je peux pas. Oh là là, elle monte à pied là, sans déconner. Elle est pas sérieuse. Elle passe les chicanes là, tranquille, pépère. On est toujours. Donc là, elle est devenue, elle est quasiment au point de départ là. Donc ça y est, elle est arrivée. Stop. On est à combien? Attends, on est à combien? 31,65. 30. C'est mieux que toi, fier. Alors qu'il y a les chicanes et tout, c'est un truc de ouf. Bon, eh ben très bien. Bah alors 31,65. C'est pas mal, c'est pas mal. 31,65, c'est même bien. Putain, je sais pas si je vais arriver à faire mieux. Bah, je sais pas. Bah, Aurélie. Franchement, j'ai pas été hyper. Mais vite, non, hein. Mais t'as été plus vite que nous hier, alors qu'il y a les chicanes. Ouais, c'est ça qui m'inquiète. Hein? Elle était plus vite? Ouais. Putain, je suis emmerdé là. Bon, Aurélie. Oui. Bon, ça se trouve c'est Sandro qui gagne, hein, donc. Bon, on verra bien. Ça se trouve tu passeras à côté de la trottinette, hein, va savoir. Bon, allez, je suis en train de m'équiper là. Hop là. Et parce que c'est. C'est la sécurité avant tout, hein. On met des ceintures, tout ça, etc. Alors, on y va, je vais mettre le casque et je vais pouvoir partir. Quand je dis le casque, c'est le casque audio, bien entendu, hein. Mais ne refaites pas ça chez vous, bien entendu, nous sommes une équipe de professionnels, il ne faut pas faire n'importe quoi. Bon, voilà, Polo m'a équipé, ça y est, c'est fait. Je vais donc... Voilà, j'ai changé de micro, comme vous avez pu le remarquer. Alors, attendez, hein. On est toujours en direct, hein, vous inquiétez pas. Je m'équipe, voilà. C'est ça la radio aussi, hein, le live. Je me sens un peu seul là quand même, hein. Hop là. Voilà. Bon, là on est bon là. Parfait. Alors, je prends la trottinette, on y va. Aurélie, t'es toujours là? Oui, oui. Très bien. Bon, écoute, 39 secondes, c'est le score que je dois battre, hein, dans les couloirs de fun avec la trottinette, avec les chicanes et avec tout ce qui va avec. Eh ben on y va. Qui c'est qui a récupéré l'autre micro là? C'est moi. Ah très bien, parfait. Donc Sandro, ok, d'accord. Et le guidon est nouveau de travers, c'est un truc de ouf. Ah bah ça, depuis hier. Putain, depuis avant-hier même. Bon, on y va, c'est parti. 3, 2, t'es prêt Polo? Ouais. 3, 2, 1, go. Allez hop, on y va. Oh putain. Voilà, c'est bon, c'était la première. Oh putain, c'est bon, j'ai pris le mur, j'ai pris la porte du... j'ai pris la porte du sous-chef, mais ça s'est bien passé au final. Oh putain. Voilà, c'est bon, j'ai fait le trajet, je retourne dans l'autre sens. C'est parti, j'ai failli me casser la gueule parce que la roue avant s'est levée. On y va, c'est l'espèce de montée, putain. Oh. Qu'est-ce qu'il est con celui qui a fait le trajet là. C'est pas mal. On est pas mal là, on sent qu'il y a un peu plus d'habitude, hein. Stop. 40-27. Quoi? 40-27. T'es sérieux, 40-27? Mais c'est pas possible! J'ai gagné les gars! Mais attends, mais c'est une enfume! T'as démarré pour Sandro, t'as arrêté avant! J'ai gagné! Mais j'ai l'impression d'avoir tracé, comment est-ce qu'elle a fait pour aller plus vite? Mais c'est sérieux ça? Je suis vénère. Bon, Aurélie? Oui. Tu as un trottinette de merde. Bon, Aurélie, bah t'as perdu, hein? Ouais. À une seconde près, dis donc. On va pouvoir appeler l'autre auditeur qui a pas pu jouer puisqu'il décrochait pas pour lui offrir la trottinette, hein, vu que t'as pas misé correctement. Ah oh, putain, je suis nouveau crevé, là, comme hier. Oh là là. On voit les grands sportifs, hein, c'est-à-dire que j'ai dû faire quoi, 30 mètres en trottinette. Ouh, je la gare au parking, voilà. Bon, attends, je vais récupérer mon micro normal. Hop là, voilà. Bon, mais Aurélie, malheureusement, c'est mort, hein. Ouais, est-ce que je peux avoir un petit pack fun? Oh, bah écoute, on va quand même t'envoyer ça, oui, bien sûr, avec plaisir. Okay, et merci. Y a pas de souci. Bon, on arrive à joindre encore. Mais comment t'as fait pour gagner? T'as triché, toi, c'est pas possible. Mais je sais pas. L'autre, elle a jamais fait de trottinette. Moi, je me fais chier depuis deux jours à faire tout le bordel, là. J'ai rien fait, j'ai je sais pas. Ouais, je suis sûr qu'il y a de l'enfume. Je crois qu'à mon avis, Polo, il veut te pécho, Polo, je crois. Et à mon avis, il a dû faire une enfume. Mais non, pourquoi? Bah, je sais, parce qu'il veut te pécho pour son anniversaire. Gagné, hein, les gars. C'est... Ouais, en plus, c'est le jour d'anniversaire, comme par hasard et tout. C'est c'est chelou tout ça, c'est chelou. C'est vraiment chelou. Enfin bon, bref, c'est pas très grave. Bon, ben Aurélie, on va quand même te filer un pack fun, y'a pas de problème. Je te fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous et tu reviens quand tu veux. À bientôt, hein. Ok, à bientôt, ciao. Salut, ciao. Bon, bah voilà, du coup, la trottinette. On a encore l'autre auditeur, là, celui qui parlait pas, là. On va essayer de le rappeler. Et puis, bah, sinon, si vous voulez la choper, la trottinette, eh bah, vous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique, si jamais vous avez envie de la choper, cette dernière trottinette, justement, qu'il reste. Bonne chance, tout le monde. On va s'écouter aussi dans quelques minutes le son de Daft Punk avec Instant Crush. Et puis, attends, on va essayer d'avoir Salim, là, Aurélie. Comme ça, tu vas pouvoir lui offrir directement. Salim, t'es là? Oui. Ah bah putain, t'avais perdu, Salim. Oui, j'avais répondu, mais apparemment vous m'entendiez pas. Alors... Ah bah non, t'entendais pas. Bah du coup, t'as pas pu jouer. Résultat, Salim, Aurélie l'a perdu. Donc Salim, on va t'offrir la trottinette. Tout simplement. Ça, il entend de nouveau plus rien. Salim. Salim. Oui, on aurait dû lui offrir un téléphone. Hein. Bon, bah c'est pas grave. Écoute, on va le reprendre en antenne. Ouais. Par contre, ça va être compliqué parce que si ça marche qu'avec deux mots à chaque fois. Ah, Salim, t'es de retour? Oui. Bon, on va te filer la trottinette, Salim. Ok. Voilà, cache ta joie, Salim. Merci. Hein. Oui, merci. Ah oui, bah de rien, Salim, avec plaisir. Ouais. Bon, écoute, ce que je propose, c'est qu'on se mette les Daft Punk. On fait les appels de Toff encore après. Et ça me permet de me reposer. Hein, parce qu'avec tout ce sport là. Ah bah je comprends, tu dois être crevé, Mickaël. Trop de sport, tu le sport. Bah évidemment. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps. Qu'il continue à nous faire rire. Et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou de vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est toujours en direct, il est 1h27, on est en direct dans toute la France comme tous les soirs, 01 42 48 5000 pour nous appeler là. Ben, n'hésitez pas, appelez-nous justement. Et puis on va également tout à l'heure accueillir JB avec un mix de Quentin Moziman, ce sera à 2h sur Fun Radio. En attendant, c'est les Daft Punk qu'on écoute maintenant, c'est Instant Crush. Mickaël No Limit, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est toujours en direct sur Fun Radio, là, 1h31, avec dans quelques minutes le retour de Flavian, de Victoria, pour parler des phobies également. Et puis, bah, vous, hein, si vous, jamais vous avez déjà fait l'amour au travail, là, venez nous dire, ou au bahut par exemple, venez nous dire où c'était le mieux, voilà, hein, où c'était le plus sympa, où c'était le mieux. On aura Polo contre le reste du monde tout à l'heure également. Et puis, Abdou qui dit chillon pendant que Toff chie, exactement. Darkley 56, Mickaël m'a tué avec le cache ta joie. Non, mais c'est vrai, n'est-ce pas, qu'il dit Daft Punk, ils font vraiment du très très bon son. C'est vrai, en plus, ça aussi. Et Laurine qui dit j'ai peur des autruches. Ah oui, ce sont des choses qui arrivent également. En même temps, on n'en croise pas tous les jours des autruches. On n'en croise pas tous les jours, en effet. Bon, on va faire les appels, dernier appel de la journée. Mais allons-y. Allez, c'est parti. Puisqu'on s'est rendu compte que la France était le pays où on trompait le plus. Oui, et dans les Paris, couples, évidemment. La ville où on trompe le plus. Bien entendu, voilà. Donc 55% des Français trompent. Ah, on a déjà c'est trompé. Bien. Et ça fait beau quand même. Bah oui, la Belgique n'arrive que deuxième, hein, avec 51%. Encore un peu de travail pour la Belgique. Ouais. Un petit peu, du boulot, un les petit gars, peu. Ouais, ça trompe, ça, va, ça trompe là. Bon, du coup, on appelle depuis tout à l'heure des gens afin de voir s'ils ont déjà été trompés ou s'ils ont déjà trompé leur femme ou leur mari. Donc, on y va en appel. Allons-y. C'est parti. Allez, dernier appel pour aujourd'hui, 1h32. Hello. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà trompé votre mari, madame. Mais vous êtes complètement taré ou quoi? Mais pas du tout, madame. Je vous pose juste une question. Elle allez vous faire foutre. Mais pourquoi vous dites ça, madame? Ah bah allez vous faire foutre. Bon bah d'accord. Allez hop, on rappelle. Mais un petit peu de politesse quand même. Allô? Oui, je m'excuse, madame, mais... Oui, bah, moi, je m'excuse. Foutez-moi la paix, bande de fous, bon. Mais enfin, madame, calmez-vous. Elle est un peu énervée, là, ouais. Madame. En tout cas, on est dans le Nord, hein. Ah, oui, on est, ouais. On est bien dans le Schnorr. Alors, on est dans le Schnorr, là. Bon, rappel. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. J'étais en communication avec votre femme, mais elle s'est un peu énervée. Oui. Mais parce qu'en fait, je voulais savoir si vous l'aviez déjà trompé, monsieur. Mais vous êtes en train de vous foutre de notre gueule ou quoi, là? Mais pas du tout, monsieur. Je vous pose juste une question. Mais vous êtes qui, là? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Mais vous êtes pas un peu cinglé, non? Mais pas du tout, monsieur. Je veux juste savoir si vous avez déjà trompé votre femme et si elle vous a déjà trompé. Et qu'est-ce que ça peut vous foutre? Bah, c'est juste pour savoir, monsieur. Mais allez vous faire soigner. C'est vous qui appelez tous les jours comme ça, là? Ah, non, monsieur, moi, c'est la première fois que je vous appelle. Eh, hey, Oui? Qu'est-ce que vous attendez quoi, là? Je vais vous foutre votre gueule, non? Non, je veux juste que vous me dites si vous me disiez, répondiez à la question, est-ce que vous avez trompé votre femme et est-ce que votre femme vous a trompé? Bah non, pourquoi? Bah pourquoi pas? Bah pourquoi? Bah parce que je vous pose la question. Eh, hey, vous êtes cinglé ou quoi, là? Mais non, pas du tout, monsieur, je vous pose juste une question. Espèce de bâtard, là, si je te jure, si je te mets la main sur ta gueule, espèce de bâtard. Je te jure, tu vas voir qu'est-ce qui va t'arriver. Mais qu'est-ce qui va m'arriver, monsieur? Tu veux que je te fais une tête au carré, ce bâtard? Mais, non, monsieur, juste que vous répondiez à ma question, ça suffira. Eh, hey, donne-moi ton numéro de téléphone, donne-moi où est-ce que t'habites, et tu vas, je vais venir te dire qu'est-ce qui va se passer à ta gueule. Mais promis, vous venez, hein, monsieur. Ouais, bah viens. Alors, c'est le 20... Vous notez? Eh, allez vous faire soigner, hein, profond. Oui, mais alors l'adresse, donc le 20... Attends, j'appelle les flics tout de suite. Oui, donc l'adresse c'est le 20. Vous notez ou pas? Allô? Allô monsieur, vous êtes là? Ah bah non, il appelle les flics. Ah bah oui, mais alors? Putain, ils veulent tous appeler les flics, ils sont relous quand même. Ils perdent plus de temps à appeler les flics et leur expliquer toute l'histoire que de répondre. Bah oui, c'est... C'est dramatique, enfin ils sont chiants. Bon, Vincent sur Twitter qui dit mais vous êtes complètement taré. Mais oui, mais complètement, effectivement. C'est dommage qu'on ait pas eu la femme plus longtemps. Oui, elle était beaucoup plus sympa. Complètement, ouais. Et le bœuf ferré qui dit sur le Facebook, moi quand je faisais l'apprenti cuisinier, je me suis serré la cousine de mon patron. Il est basque espagnol, un peu le même amour propre que les Corses. Heureusement, je me suis... heureusement, je me suis pas fait gauler. Ah bah heureusement le bœuf ferré, sinon on ne parlerait plus à mon avis, je pense. Ouais, hein, il aurait fini dans la soupe. Ah, il y a des fortes chances, ouais. Flavien également qui est avec nous de Vierzon, là, dans le Cher. Salut Flavien. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Ça va très bien toi? Bah très très bien. Alors toi t'as déjà forniqué dans le bahut? Ouais, moi je suis chaud moi. Ouais. Ah bah, on entend ça. Mais oui, bon qu'est-ce que t'as fait, dis-moi? Bah en fait avec ma copine on s'était prévu depuis un mois et tout. J'ai dit à ma mère si elle pouvait venir à la maison et tout. Et elle a dû se douter en fait qu'on allait faire des trucs. Du coup après j'ai dit ouais bah viens faut au collège hein, mais les pourquoi vous avez prévu le truc? Mais parce qu'en fait à la base elle devait venir à la maison juste pour tu vois en fait elle voulait apprendre à jouer à GTA et tout. J'ai fait vas-y tu vas pas venir pour ça, ça se fait pas et tout. Donc toi t'es vraiment idiot hein. T'as dit quand t'as, donc ta meuf te dit je veux venir chez toi pour apprendre à jouer à GTA et toi tu la crois? Mais non, mais elle est vraiment venue à la base à la maison, mais elle a fait je voulais faire des trucs et tout, mais je veux pas que je sois là et tout. Donc du coup, mais comme ma mère est tout le temps chez moi, mais... Ah bah ouais, t'as le temps pour faire ailleurs quoi. Bah attends, c'est chez elle aussi, tu vois. Oui, c'est ça. Elle est tout le temps chez moi, ma mère, elle est relou. Qu'est-ce qu'elle est chiante. Elle pourrait quand même se trouver à l'appart, elle est casse-couille quand même. Merde, moi j'ai 15 balais, j'aimerais bien avoir ma... j'aimerais bien avoir ma vie. Bah ouais, mais attends, tranquille. C'est ça, normal quoi. Bon, et donc du coup, t'as fait au collège, et alors, il s'est passé quoi là-bas? Bah genre, à la base, on avait prévu ça et tout. Enfin, après, on a fait ça pendant les heures de retenue en fait. Ouais. Et genre, bah après... Ça a pas la retenue chez toi. Ben, comment ça? Je dis sympa la retenue chez toi. Non mais on pratique souvent ça dans notre collège hein. Ah bon, c'est d'accord. Ouais, okay. Ouais c'est la fuck retenue. Ouais. Ouais, moi j'aurais vachement plus kiffé le collège tiens, comme ça. Bah oui. Ah, ouais. Bon, moi c'était impossible de baiser à l'école. Ah moi aussi, c'est pour ça. Enfin, c'est compliqué non, c'est déjà parce qu'il y avait beaucoup de temps. En fait, hein. C'est parce qu'en fait entre 5h et 18h les profs ils sont plus là, il y a que les surveillants. Du coup en fait entre 5h du matin et 18h. Non, entre 5h du soir et 18h quoi. Ah ouais, soit tu dis entre 5h et 6h du soir, soit tu dis entre 17 et 18. Parce qu'entre 5h et 18h, ça fait quand même long hein, où il y a personne dans le bahut. Hein. Bon, et donc du coup, il y avait personne entre 17 et 18 et puis? Bah si, il y avait du monde, mais dans la salle de retenue, quoi. Mais vu que les chiottes, eh ben, ils sont plus loin que la salle de retenue, bah, on a profité, quoi. Moi, s'il y a bien un endroit où j'aurais jamais pu baiser dans mon bahut, c'était les chiottes. C'est-à-dire que déjà, t'étais dans le bout du couloir, tu sentais que les chiottes, elles arrivaient, quoi. Ouais, moi, déjà, je me retenais, hein. Je préférais me retenir quand c'était possible, évidemment, que d'aller aux chiottes dans le bahut. Mais bon, grave. Pas pour pisser, pisser, ça va, mais si tu devais aller vraiment chier. Non, mais même pisser, ça pue tellement. Non, mais c'est parce que t'as pas d'apnée, toi. Ah oui, c'est ça. Bah voilà, moi je retenais ma respiration, non. Je peux tenir une minute trente, donc ça va, j'avais le temps. Ou alors vous avez des problèmes d'hygiène dans ton collège ou des problèmes de bite, de pisse, parce que c'est pas normal, c'est juste un gaspoint, quoi. Ah si, il y en a un. Ouais, mais je pense qu'il y avait les deux, hein. Je pense qu'il y avait des mecs malades qui allaient pisser et ils nettoyaient avec de la merde. C'est un hôpital, Tom a passé son enfance dans un. Et après, t'avais les escrocs qui voulaient faire des économies, qui préféraient aller au bahut, hein, comme Tof aujourd'hui à la radio, ils préféraient aller chier à la radio, comme ça ils économisent le papier toilette. Mais grave, et l'eau. Juste un truc, vous savez que j'ai acheté que 4 rouleaux de PQ depuis que je suis revenu à Paris. Tout le reste, je l'ai chié ici à la radio. Quel. Oh là là. Et il est content, hein. Ah, il est fier, il a fait son économie de l'année, là. Bah non, wow. Je suis pas fier, mais au moins je fais une belle économie. Au prix du PQ, vous vous rendez pas compte, ça coûte cher le PQ. Ouais. Y'a Tim Mickaël qui dit sympa la retenue. Bah oui, tu m'étonnes. Et Sophie qui dit moi j'ai déjà fait l'amour dans une cuisine, mais à la fermeture. Oui, vaut mieux que ce soit la fermeture. Au moins, t'es sûr de pas avoir de petits. Enfin, au moins, les clients sont sûrs de pas avoir de petits bonus. Ben, merci, Flavien. Ouais, y'a pas de quoi, t'inquiète. Je pourrais passer une dédicace. Vas-y, y'a une personne, choisis la bonne. Ok, je fais une dédicace à Chloé Turpin. Voilà. Ok, message passé, pas de problème. À bientôt. Allez. Ouais, salut, bientôt, à toi. Salut. Ciao à toi, bye bye. On va récupérer et on va terminer d'ailleurs avec Victoria et Adam dans quelques minutes là par rapport à la peur. Là, vous êtes là tous les deux? Oui. Très bien, ouais. Adam est là aussi de Nîmes. Victoria de Soissons en Picardie. Vous avez des phobies, vous, on va en parler dans quelques minutes. Vous restez là? C'est ça. Eh ben, dis donc Adam, t'es en moitié endormi ou quoi? Eh ouais, je peux pas trop parler. En plus, il y a ma mère qui est là à côté. Ah, bon bah alors vas-y avec la phobie, on va parler avec toi. On prendra Victoria après, alors vas-y Adam. Ah non, moi c'est parce qu'en fait j'ai la phobie des livres. Des livres. Mais comment ça des livres? T'as peur qu'il t'arrive? Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Non mais je crois que Ribéry il a la même. C'est clair, ouais. Non mais en fait c'était quand j'étais petit, il y avait une sorte de bibliothèque vers mes parents qui m'est tombée dessus, du coup bah. Ah oui, non mais t'as pas peur des livres, t'as peur des bibliothèques, des armoires à la limite. Non, des livres en eux-mêmes, parce que en fait, tu vois quand je prends un livre, je deviens en mode parano et mais du coup, je peux même pas le lire. Mec, c'est pas possible. C'est un truc de dingue ça. Mais c'est quoi une espèce de bibliothèque, j'arrive pas à comprendre. Bah c'était une sorte de... Ouais, c'était une armoire avec des livres, ouais. Quoi, une bibliothèque. Ouais, une armoire ouverte quoi. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Et donc elle t'est tombée dessus depuis t'as peur des livres. C'est ça, bah, c'est là, et c'est là que... Je me suis pris dans la gueule et il y en a qui m'ont ouvert la tête quoi. Et c'est là que si j'étais son père, j'aurais dit... Je suis sûr que si c'était la télé qui t'était tombée dessus, t'aurais pas eu peur de la télé. Hein. C'est voilà. Tellement ça. Ouais, ou l'ordinateur, ouais, je suis sûr que si c'était l'ordinateur, hein, ou ton iPhone, ou ton iPad, t'aurais pas la phobie. Hein. Mais, alors, j'aurais bien voulu que ça soit une bibliothèque d'iPad, mon gars. Bah, oui, après ça c'est un autre problème, évidemment. Mais ah ouais, d'accord, ok, donc la phobie des... Alors tu fais comment, Léo Bahut? Bah déjà dans mon sac j'en ai pas. En fait tu fais des photocopies, il lit page à page. Ouais c'est ça. Ouais non mais autant les pages ça va, autant les livres je peux pas quoi. Bah heureusement que maintenant tout est sur l'iPad, les bouquins c'est plus facile pour les... Ouais enfin tout, tu crois, il doit y avoir 3 bahuts qui ont des iPads. Ah non, j'ai pas dit que les bahuts ils avaient les iPads, j'ai dit que tous les bouquins maintenant à peu près tu peux les trouver sur ah oui, format numérique. Ah oui, tu peux les trouver dans le book, ouais, bien sûr, tout à fait, ouais. Et souvent aussi cher que le bouquin que tu vas acheter en librairie. Hein. Complètement, ouais. complètement. Il y a Stéphanie qui dit j'ai acheté 4 rouleaux de PQ et il est content. Mais non mais c'est ça, c'est la truc de ouf, il est content de son économie là. Mais et grave. Qui dit aussi putain j'espère qu'il a pas fait ça au collège Fernand Léger. Ah merde, il est plus là malheureusement, on peut pas lui poser la question, dommage, j'ai vu le message un peu trop tard. Mais merci en tout cas Adam d'être passé. Ah bah pas de soucis. Et tu reviens quand tu veux. Je peux te demander un petit service? Dis-moi. En fait dans mardi qui arrive là, c'est l'anniversaire d'une amie et j'aimerais lui faire une petite blague à base de sextoy en fait. Donc tu pourrais peut-être m'enfiler un. Ah tout ça pour ça, tu m'aurais dit je veux un sextoy, je t'en aurais filé, hein. C'est pas la peine d'inventer une copine, non, tu veux un sextoy. Non mais mec, c'est bon. Non mais t'as envie de te mettre un sextoy. Calme-toi, c'est pas grave, Adam. C'est pas grave, moi ça me dérange pas, hein. Vous faites ce que vous voulez avec les sextoys après. Du coup la 18 ans, je voulais marquer le coup quoi. D'accord, ok. Vous voulez enfoncer le clou. Voilà, c'est ça, ouais. Offert par. Passagedesir.fr évidemment. Bon en revanche, je suis pas sûr que tu l'auras pour merdi, hein. Ah, si je le mets... Ah non, je peux pas. Non. Ah ouais. Tu peux pas parce qu'il faut, il faut un truc spécial et là tout est fermé. Bah ouais, on peut l'envoyer lundi, mais tu l'auras jamais mardi, hein. Ah putain. Ah bah ouais, mec, tu travailles un peu tard, hein, ma gueule. C'est vendredi, c'est jeudi là. Mais ça dépend, t'habites dans le coin ou pas? Non, j'habite dans le sud, moi. Ah bah ouais, il habite à Nîmes, donc. Ah bah personne n'est parfait. On peut l'envoyer lundi, mais tu l'auras peut-être mardi, notre, ouais. Bah essaye, au pire, je verrai. Bah oui, bah écoute, de toute façon, il y a que ça à faire. Hein. Non, et à moins qu'on l'envoie sans timbre et tu payes toi. C'est possible ça ou pas? Non, je crois pas, non. Non, il refuse si tu veux. Ouais, pas je pense pas, ouais, je pense pas. Bon, bah tant pis, si vous êtes postier. Ah, si vous... Allez, vous savez quoi? Si vous êtes transporteur, vous partez de Paris là maintenant, là. Bah dites-nous, comme ça on vous donne le sextoy, si vous allez vers Nîmes, comme ça vous le déposez chez vous le déposez chez Adam. Hop, Fun va être content, ils vont pas devoir payer le transport, comme ça c'est cool. Donc bonne affaire. Bon, écoute, on va te le filer quand même, Adam, après tu verras bien. Ok, merci. Quand bon, même. Salut à toi, à bientôt, ciao à toi, Adam. Bon, retour avec Victoria, avec Hugo également dans quelques minutes, et puis le son d'Eric Arborès maintenant sur Fun Radio avec Get Ready, c'est Polo contre le reste du monde qui arrive juste après. Appelez-nous si vous voulez participer, bien entendu. Mickaël, nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Fun Radio, effectivement, on est là, il est 1h47. Il y a Johan qui a envoyé un message sur l'application Mickaël No Limit. J'ai un ami qui veut pas jouer aux jeux de société car enfant, il a regardé Jumanji. Ah oui, putain. Laurine qui dit la peur des livres. J'aurais vraiment, mais vraiment tout entendu dans cette émission. Et Jérémy Titi sur le Twitter qui dit j'ai déjà eu une relation au boulot dans ma pâtisserie. Vive les vestiaires. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah écoute, bonne bourre. Hein. Victoria également avec nous, là, de Soissons, là. Salut Vic. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Bah bien et toi? Très bien. Eh, l'endroit où on fait le plus l'amour apparemment au travail, c'est le bureau, 46%. Puis il y a l'ascenseur, 32%. Et enfin la salle de réunion, 13% seulement. C'est pas mon problème. Bah non, mais je me doute en même temps, hein, mais Victoria, je t'ai pas demandé ton avis. Je l'expliquais juste aux autres. Voilà. Tout simplement parce qu'on en parlait, Victoria, tu n'as rien suivi de cette émission. Non. Ah bah voilà, bah très bien. En même temps, je suis dans les toilettes parce que les autres, c'est un studio, donc du coup, bah... De quoi? Je suis dans les toilettes. À cause de... Pourquoi? Vas-y, fais-nous un caca, parce que c'est un... Non, parce que c'est un studio et les autres, ils sont en train d'écouter la radio. Ah, ok, d'accord, très bien. Tu peux me filer un ou deux rouleaux de PQ? Arrête, putain, qui a trois barres du PQ, celui-là. Hey, tire-nous la chasse, au moins, je sais pas. Ouais, mais après, quand t'as fini. Bon, alors, Vic, c'est quoi, toi, tes phobies? Moi, j'ai la phobie des crevettes. Des crevettes, mais genre même les crevettes dans ton assiette? Non, mais tout, oui. Tout. Même en peinture, je peux pas les voir. En photo, non, je peux pas les voir. C'est parce que tu veux pas une allergie aux crevettes? J'en sais rien, j'en ai jamais mangé, mais j'ai peur. Bah, ça doit être ça, en mon avis. De quoi? Parce que t'es allergique? Bah oui, tu as jamais mangé. Ouais, mais justement. J'en ai jamais mangé. Son organisme doit sentir que ça soit que c'est quelque chose de négatif. Voilà, il le sait que c'est pas bon, et donc du coup, il a peur. Bah je sais pas, moi j'ai la phobie, je peux pas les voir, c'est parce que je me barre en courant, je me planque, je peux pas. T'as essayé d'en adopter une? Adopter une crevette? Ouais, de la mettre en laisse et de la promener dans la rue. Ah mais vous êtes con ou quoi? Non mais bon, en même temps ça va, c'est pas la phobie la plus violente du monde non plus, dans le sens où vois des crevettes, tu les vois pas tous les jours quoi. Non mais ça va, donc t'es tranquille à ce niveau là. Bon bah très bien, alors attends, tu peux nous tirer la chasse ou pas là? Non. Allez, vas-y, pour qu'on entende le bruit, là. C'est chiant. Parfait. Ah, bah, voilà, impeccable, Victoria. Bon, ouais, ça va, t'as pas trop de chiasse, là, non? Non, ça va. Bon, nous voilà rassurés. Très bien, bon, des gros bisous, Victoria. Gros bisous, Mickaël. Est-ce possible d'avoir un pack Fun? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, standard, je te la repasse maintenant, pas de problème. Attends, je peux faire une dédicace? Vas-y. À une seule personne, choisis la bonne, hein. Ouais, je fais une dédicace à Apocalypse. Très bien. Apocalyptique Prod 02. Très bien. Et ben voilà, le message est passé. Salut Vic. Salut. À bientôt. Ciao à toi. Il y a Hugo également qui est avec nous là. Salut Hugo. Salut Mickaël. Comment ça va? Ouais, ça va et toi? Bah très bien Hugo. Qu'est-ce qui t'amène? T'es le dernier à passer ce soir. On doit finir tôt à 2h. On nous a dit aujourd'hui à 2h il faut fermer la boutique. Alors j'ai dit d'accord. Ok. Ah bah très bien. Bah bougez pas. On va le faire. Hein. Bah enchanté Hugo. Alors qu'est-ce qui t'amène? Moi, j'ai la phobie des limaces et des escargots. Oh, quelle horreur. Des limaces? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Ah non, mais quand j'étais petit, je m'en souviens plus très bien, mais je jouais avec mes potes, et un coup, je me suis pris un saut, mais complet, de limaces et d'escargots sur la gueule. Ah, et en plus, avec la vidéo, là, de Toff. Ah, mais ça c'était bon là, ça. Avec les escargots, là, la bave d'escargots. Ah oui, ça fait longtemps là. Ouh là là, ouais. Ah, ça fait longtemps, mais ça m'a coupé net avec c'est, ça. Hein. C'est depuis ce moment-là que t'as la phobie. Ah mais alors, non, plus jamais je m'en approche. En parce même temps, là aussi, c'est pas le truc que tu croises le plus souvent, quoi. Ouais. Bah oui, non, mais c'est vrai, c'est pas le truc que tu croises tout le temps, t'es tranquille avec ça, quoi. Ouais, ça va, mais dès que j'en croise une, c'est horrible, c'est... Ah oui, bah j'imagine bien, hein, j'imagine. Bon, ça va encore comme phobie, Hugo, ouais, là, t'inquiète c'est pas. Une petite phobie ridicule, mais oui, ça. C'est une petite phobie de rien du tout, t'inquiète ouais. Pas, tu vas t'en sortir, y a pas de problème. Mais merci, Hugo, d'avoir appelé, en tout cas. Bah, je suis encore courageux, hein, j'écoute tous les soirs, alors qu'il y a tof. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai, tu mérites une médaille, Hugo. Merci, merci. Félicitations, Hugo. Bon, ah, bah, oui, merci. Oui. Je m'appelle Hugo Réo, hein, sur Ah, Twitter. C'est toi, oh Hugo Réo. Ah, mais c'est ton anniversaire aujourd'hui, non? Ouais, c'est mon anniversaire. Ah, bah attends, on va t'en mettre une alors. Et, mais genre le 28 là? Ah non, le 27. Du coup, je voulais attendre une émission et on m'a pas pris. Ah, bah ouais, bah trop tard, je te mets pas la musique, c'est trop tard, c'est passé. Ah, ouais, t'as perdu. Ah, bah ouais, c'est passé, mec. Bon, allez, je vais te la mettre quand même. Attends, elle est où la chanson? Et, hop là. Voilà. T'as un jour près, t'avais la même date que Sandro, dis donc, tu l'as échappé belle. Hein. Ouais. Bah moi je suis la minuit pile, hein, entre le 27 et le 28. Ouais mais le 28. Sur bah, ta identité c'est quoi? C'est 28 ou 27? Ouais mais en fait ils ont demandé à ma mère de choisir. Quand je suis née ils m'ont demandé de choisir la date. Ah bah je sais pas, pour le 27 ou le 28 je sais pas. Et c'est après, ça 28. Je posais déjà des problèmes à ma Ah ouais déjà dès le début t'as été chiante. C'est ça. Bon bah bon anniversaire Hugo, hein. Merci. Voilà Hugo Réo que vous trouvez bien entendu sur le Twitter ouais. De l'émission, hein, qui passe sa vie sur le Twitter, très bien. Bah il a que ça à faire. Exactement. En une semaine j'ai fait 5e et 3e du top Twitos. Ah pas mal. D'ailleurs là on en est à combien là? Alors tu veux quoi, Hugo Réo ou tu veux... Non bah les 5 premiers là pour voir. On va faire le final dans quelques minutes. Alors numéro 5 Marine. Numéro 4 Benji Spears. Numéro 3 ouais 3 ouais. Alors Darklev 56. Numéro 2 Laurine. Et numéro 1 Darkit. Bah, bravo Hugo Réo, t'es même pas dans le 5 premiers là. Oui, bah non, j'ai pas pu tweeter, mais grâce à vous, j'ai dépassé les 2300 tweets. Pas mal. Ah ouais, c'est-à-dire qu'il est même pas dans le top 20 là. Ah ouais, mais avec Goréo, tu m'as déçu la soir. Hein. Ah non, t'as été mauvais. Ouais. Ah ouais, ce soir. Je vais me rattraper. Pour ah lui. Ouais, bah j'espère. Ouais. Bon, salut Hugo, à bientôt. Salut, je peux avoir un pack fun. Ouais, tu vas gérer ça avec Sandro au standard. Salut Hugo, bon anniversaire okay. Encore. Ciao salut, à toi, merci. Bye bye. Allez, on enchaîne avec Polo Against the Rest of the World. C'est maintenant une émission à votre écoute, une émission qui prend soin de vous, une émission avec un animateur psychologue qui est à votre écoute justement tous les soirs. Vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000 ouais, ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. On y va. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. On commence tout de suite avec Alexandre. Je t'écoute. Bah en fait moi j'ai peur de ta gueule. Ah c'est gentil ça Alexandre, c'est un compliment venant de toi tu sais. Oui je sais. T'as peur de quoi dans ma gueule? Ah tu fais moi le malin espèce de petit con va. Je ne sais pas dans Polo qu'on le reste du monde. Ouais je sais pas. Tu sais pas quoi? Bah je sais pas. Tu appelles comment? Bah je sais pas. T'habites dans quelle ville? Bah je sais pas. T'es un con? Je sais pas. Parfait. Rouleau de PQ dans Polo contre le reste du monde. Alors bonsoir, j'aimerais avoir un nouveau sponsor pour mon rouleau de PQ et ce sera top. D'accord. Et tu t'appelles comment? Rouleau de PQ. Et tu fais quoi dans la vie? Je rase les poils de tof avec D'accord. mes pattes PQ. C'est un beau métier ça. Ah magnifique. Allez casse-toi dans le trou du cul, je t'écoute. Ouais, je suis dans le trou de cul là, j'ai un problème de respiration. Et le trou du cul de qui? Le trou du cul de tof. Ah putain, mais tu t'appelles comment? Ah, c'est-à-dire que là, tu veux, je m'appelle le trou du cul, t'es con quoi. Non mais, t'as pas un vrai prénom? Bah le trou du cul. Ça, d'accord, ça bien et en fait ton métier c'est trou du cul? Ouais, exactement ouais. D'accord. Voilà, et toi tu t'appelles bien Polo? Ouais. Bah t'as un autre trou de cul. D'accord, ok. Alexandre, le retour. Oui, bonsoir, alors moi j'ai peur de ton cul. D'accord, super, je sais pas, dans Polo contre le reste du monde. Je sais pas. Tu sais pas quoi? Bah je sais pas. Et ta race, ça sert quelque chose? Bah je sais pas. Il m'énerve. Tu m'énerves. En fait tu m'énerves à répéter je sais pas constamment. Bah oui mais c'est parce que je sais pas. Oh, rouleau de PQ je t'écoute. Pour l'heure avec ta tranche de cake t'aimerais pas que t'aies su le cul? Non ça ira. Dans le trou du cul je t'écoute. Ouais bah là j'ai changé là. T'as changé quoi? Bah de trou de cul. Ok Alexandre le retour. Alors allez casse toi je sais pas. Bah je sais pas. Ok Alexandre. Hop on s'en fout Alexandre. On s'en fout complètement Alexandre. Oui. On s'en fout, en fait... allez casse-toi, je sais pas. Je sais pas. Bon, ok, super. Rouleau de PQ. J'aimerais essayer le cul de Michael aussi. D'accord. Et t'as pas autre chose à dire? Bah, essaye ton cul, essaye le cul de Sandro, le cul de Polo, le cul de Tof, le cul de ta mère, le cul de tout le monde, quoi. D'accord. Et la tienne, on en parle de ta mère ou pas? Ta gueule, Polo. Hein. Non, mais on en parle ou pas? MDR, Polo. Ok, allez, casse-toi. On va terminer ce Polo contre le reste du monde avec le trou du cul. Ouais, bah ça pue, hein. Ça pue quoi? Ah bah ça pue la merde. En même temps, en même temps, c'est ton job, non? Sinon, je suis aussi webmaster. Alors si jamais quelqu'un cherche un site, je peux l'aider, hein. D'accord, merci trou du cul. Tu veux pas polo.fr? Non, c'est pas, franchement, non. Ah merde. Ok. Ciao. Allez, casse-toi. Allez, tiens, allez, casse-toi. Alexandre. Oui. Hop, on s'en fout. Alexandre. Oui. On s'en fout. Hop, hop, hop. Alexandre. Tu veux bien me dire une... Allez, casse-toi d'ici. Pour terminer, je sais pas. Ouais, bah, je crois que je sais toujours pas. Ok, allez, dégage. Ainsi se termine Polo contre le reste du monde. Merci d'y avoir participé. Voilà, exactement. C'est ça, c'est un peu ça, Polo. J'ai fait court parce qu'on nous a dit de couper vite. Ah bah ouais, là, il faut couper là. On nous a mis la pression. Il y a Yoann qui dit moi j'ai la phobie des portières de voiture mal fermées, traumatisme d'enfant. Et Namorip également. Après adopte un mec, adopte une private.com. Oui, pourquoi pas. Ouais. Et alors Théo qui dit je vais l'arriver. J'entends Toff dire qu'il a acheté 4 roues de PQ depuis qu'il est à Paris. What the fuck. Mort de rire. Sinon continue comme ça. J'aime ce que vous faites. Merci beaucoup et Stéphanini pour finir. Ouais. Moi j'ai la phobie des marionnettes genre Chucky. Oui, bah, c'est normal. Bon allez, on va se faire le top tweetos maintenant. On va voir donc qui va repartir avec soit le sextoy offert par Passage du désir.fr ou le t-shirt comme un air de rock offert par Comme un air de rock. Voilà, alors en numéro 5 numéro 5 c'est toujours Marine. Ah bah très bien, oui forcément ça n'a pas beaucoup changé depuis tout à l'heure. En numéro 4 Benji Spears. En numéro 3 La Femme Fontaine. En numéro 2 Laurine. Et en numéro 1 Darkit. Darkit qui n'a pas encore gagné, Drakit, je crois. Pardon, Drakit. Drakit qui n'a pas encore gagné, je crois, si. Non, je pense pas. Je pense crois que c'est pas. La première fois qu'il arrive là. Eh ben voilà, Drakit. Soit tu repars avec le sextoy offert par Passage du désir.fr. Soit tu repars avec le t-shirt comme un air de rock offert par Comme un air de rock. Voilà, c'était le dernier à gagner d'ailleurs. La semaine prochaine, on n'en offrira plus, mais on en offrira peut-être d'autres encore un petit peu plus tard, cela dit au passage. Vite fait, le générique de fin, bien entendu. Allez, ouais, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, teuf, te sucer, toi l'enculé. T'aimes un truc, t'encules ton oncle, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Quand tu dans le monde, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton oncle toute la journée. Mais écoute-moi, je vais te mettre la fessée à toi et tes enfants. Petit fils d'enculé, voilà, fils de putain même. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe? JB de retour. Quel cochon. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Eh oui. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, tu sais toi l'enculé. T'es un enculé, toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Ah et ben voilà, c'est terminé pour ce soir, 1h59 donc, on pourra pas dire qu'on n'est pas à l'heure. Bon, et ben impeccable, merci d'avoir été là ce soir comme d'habitude, hein, nombreux ouais. Évidemment, à écouter l'émission, toujours de plus en plus nombreux et nombreuses justement. Et bah oui, mais oui, bon, on me demande de finir à 2h, je ferme à 2h, démerdez-vous maintenant. Hein. On m'a mis la pression, je veux rien savoir. Ah, oui, il faut absolument. Non, parce qu'on me fait des signes, ouais non mais en fait vous avez le temps, on a tout fait en catastrophe là. Parce qu'il fallait terminer. Attends, à l'heure. Ouais, on a reçu combien de mails toute la semaine? Un papier de PQ là qui devait économiser pour 6 mois. Voilà, oui, c'est merde. Ça. Je veux on dire, il y a un moment. Le pauvre. Il y a un moment, faut pas déconner quand même, je veux dire. Bon, donc du coup, on se retrouve dimanche à partir de 20h. Je rappelle également qu'il y aura dimanche des iPhone 5S à gagner. Enfin, un déjà à partir de 20h dimanche soir. Passez donc un bon week-end, profitez bien. On va remercier également tous ceux qui étaient connectés ce soir. Avec notamment Alex qui était là. Il y avait Antoine, il y avait Laura, il y avait Lucas également. Laura. Il y avait qui d'autre également, Chadouze, Jojo qui était là également, Jojo78, Louis, etc. Merci d'avoir été là, évidemment, je peux pas citer tout le monde. Ouais. Mais merci beaucoup en tout cas, on était en top tweet dès le début de l'émission. Merci beaucoup en tout ça, cas. Ça c'est beau, ça exactement, c'est beau. Exactement, c'est beau. Et on se retrouve dimanche 20h. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mika, elle, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio.